VGBM numéro 40. Ça y est, on est arrivé à ce point-là, au numéro 40 au bout de 2 ans. C'est déjà pas mal. Et avec nous dans cette émission, nous avons... J'ai envie de commencer à ma gauche, avec Gauthier. Bonjour Gauthier, comment tu vas? Ça va très bien. Ce petit micro à que main, je tiens à la main, on manque main. De budget. C'est vrai que, comme disait Sofiane tout à l'heure, on a l'impression qu'on va chanter une chanson. Donc, tu nous fais un petit... J'ai pas dit ça. J'ai pas une verve aussi nulle. Tu commences bien. Pas chanter, ça, c'est un truc, c'est okay. Bonne nuit les petits. Moi, c'est Jacques Martin, ok. Excuse-moi, Jérémy. On l'a entendu tout de suite, c'est celui qui parle tout de suite. Non, pas de suite. Notre chère Sofiane. Salut. En mode joueur de baseball avec sa petite casquette. Moi, je mets que des casquettes de baseball. C'est vrai. À savoir que le mauvais goût réside dans les casquettes de basketball. Ouh. Et pire encore, des casquettes droite. flat cap de football américain. Dont tu ne connais même pas le score annuel de l'équipe. Et là, t'es mal. Je rappelle que ce monsieur est prof d'histoire. Notre cher voisin. C'était aucun rapport. Mais oui, j'ai pas compris le rapport avec le sport. Je voulais passer, je sais pas pourquoi. À ses côtés, celui qui est à ses côtés depuis combien de temps en fait? Ça fait combien de temps que vous connaissez? Bah, 28 ans. Non, presque. Ouais. On est sortis en même temps. 27. Quelques mois d'écart. Ouais, ça fait 27 ans. On était en maternelle. Ça fait quoi. Combien de temps depuis le. Le Clash of le Titans. Clash. Le fameux coup de pied dans la bouche en maternelle. Dans la bouche. Je sais pas. Je demanderai à ma mère. Je pense qu'elle s'en souvient très bien. Comme si c'était hier. Notre cher Guillaume, comment ça va Guillaume? Mais ça va très bien. Qu'est-ce qui s'est passé durant ta vie, durant les vacances là? Bah, pas grand-chose. Moi, j'étais pas en vacances surtout. Ah, les vacances de. Enfin, qu'est-ce que t'as fait pendant 2 semaines où les autres étaient en vacances mais pas toi? Ah, bah, j'ai travaillé. Eh bah, c'est bien. Mais t'as fait des choses. Eh ouais, j'ai fait des films aussi. Le mec, trop de peu possible. Et j'ai travaillé sur ma BD aussi. Ça au mois de décembre. Et ça, on en reparlera. Inch'Allah. Sans souci. On mettra des liens et tout ça. Avec nous, notre chroniqueur test. C'est-à-dire qu'il vient et on verra si ça va bien se passer aussi. Parce que comme il y a des nouveaux aussi la semaine prochaine, il y a une petite salle là. On fait comme un petit casting, vous allez voir, pendant cette semaine et la semaine prochaine. Donc ça va être très intéressant. C'est bien. C'est important. Tous les chroniqueurs du casting coach. Mais le... Pierre, Nicolas, dédicace à eux. Notre cher Nicolas. Bonjour Nicolas Lacaro, c'est bien ça si je ne me trompe pas? Lacara, ça finit Lacara. Par Lacara, et voilà, vous voyez ce que je lis bien sur les CV, merci beaucoup. Mais tu préfères qu'on t'appelle autrement? Je préfère qu'on m'appelle Cara, ça fait 15 ans qu'on m'appelle Cara, donc bon. Okay. Sur le papier, pour les professionnels, tout ça, c'est Nicolas Lacara, ça fait classe, un prénom, un nom. Okay. Dans la vraie vie, c'est juste Cara, c'est plus court. Okay. Cara, K-A-R-A ou C-A-R? C-A-R-A. Ah, c'est pour ça que tu l'as pris, Cara Delevingne, tout ça, Valérien. On t'a grillé, hein, le truchement. Mec, tu es quand même sacrément plus sexy qu'elle, faut pas te dire. T'as les plus beaux sourcils. On a envie de te connaître. J'ai envie de te dire, on a envie de savoir toute ta vie. On va te poser des questions. Et comme je connais Sofiane et comme je connais Guillaume, bon, après, mon voisin de gauche, lui, est pas si. Il parle pas beaucoup, mais non, je plaisante. Mais je sais pas pourquoi je voulais te charrier, mais c'est gratuit, c'est pas grave. Ah non, alors mon voisin de gauche, il y aura une petite histoire quand même pour Comic-Con, parce que moi je veux connaître cette anecdote où vous y allez, il y a de la caméra, et en fait ça ne fonctionne pas. Alors l'équipe de bras cassée. Avec notre cher Tommy, que j'embrasse très fort. Et Pierre aussi, que j'ai fait Pierre aussi, on en racontera. Bon Nicolas, raconte-nous déjà, quel âge as-tu, où es-tu né, et pourquoi es-tu arrivé dans cette émission, et comment ça s'est passé? Moi je veux savoir tout ça. Je commence au Big Bang ou un peu plus tard, je sais non, pas. Non, tu commences un petit peu plus tard, au niveau de la naissance. Au niveau de la naissance, je suis né le 13 janvier 88, je suis du groupe A Positif, si ça vous intéresse. Ah ça peut, on sait jamais. On sait jamais, voilà. Ça peut servir. Je viens d'Aix-en-Provence, où j'ai passé 21 années assez intéressantes. Okay. Et ensuite je suis venu à Paris. Et ça fait une petite dizaine d'années maintenant. Ok, donc qu'est-ce que tu fais de tes journées? Quel est ton métier? Quelles sont tes passions? Quels sont tes projets? Alors là, ça fait compliqué. À part apprendre à quoi sert la vie, mes projets, en fait, moi je suis un gars qui fait des films depuis toujours. Ok, voilà, depuis ton adolescence? Ouais, depuis que j'ai eu suffisamment d'argent pour acheter une petite caméra de merde qui m'a coûté 400 euros en 2002. Je crois que c'était Noël 2002, ouais. Et depuis, je fais des films comme je peux. Et depuis que je suis à Paris, je fais ça de manière un peu mieux quand même. Ok. Voilà, ça c'est mon objectif. Cool. D'accord. Mais au niveau des études, est-ce que tu as fait une école de cinéma? Est-ce que tu as pris des cours de photographie ou des cours de... Je sais pas, des cours de tournage, ça existe ça, des cours de tournage? Je sais pas, ouais, dans les écoles à part ça. Bah, j'ai fait une petite formation à la con qui m'a servi à rien. J'ai fait un BTS technique à Marseille entre 2005 et 2007 qui m'a coûté 12 000 balles et qui m'a rien appris. Parce que j'avais déjà tout appris de mon côté, mais j'ai rencontré ma femme là-bas, ce qui est quand même pas mal. ça fait quand même 12 000 balles dépensées pour quelque chose. Et quelque chose. Le quelqu'un a peut-être mieux. Voilà, oui, quelqu'un, ça aurait été un peu plus respectueux envers elle. Et ensuite, j'ai fait un petit tour à la fac Aix-en-Provence en audiovisuel, mais ça m'a servi à rien du tout non plus. Ah bah c'est plus de la théorie là-bas. Hein. Ouais, mais de toute façon, moi je me fais très très très vite chier en cours, que ce soit même okay. En théorie. T'es un homme de pratique, tu veux pratiquer. Exact. Tu veux... Ok, t'es un homme de terrain comme on dit. Exact, je passe mon temps à peu près à soit penser, soit écrire, soit tourner des films. Soit les monter aussi, parce que je monte, même ça me casse les couilles, je déteste le montage. D'accord. Et quels sont tes projets là récents? Est-ce que t'as fait des petits festivals à gauche à droite? Parce que comme tu sais, je pense qu'il y a des festivals un peu partout en France, ouais. Que ce soit pour les amateurs ou pour les pros. Bah écoute, là j'ai actuellement deux courts-métrages qui sont en montage, donc les festivals ça va attendre un petit peu. Et sinon, si tu me demandes mes projets, la dernière fois que j'ai compté j'en avais 51 des films en préparation. Ah oui, quand même. Donc c'est pas pour déconner, mais des films qui ont une petite avancée concrète. Je suis sur un court en ce moment qui est en pré-prod et un long qui est en pré-prod, et je suis en train d'écrire une série. D'accord, et en pré-prod, c'est-à-dire c'est un financement perso? C'est-à-dire que non, je suis en contact avec des boîtes de prod qui passent leur temps, qui font semblant de passer leur temps à chercher de l'argent pour moi. Ok. Voilà. Ou la petite attaque quand même. Oh ben il y a des, je pense qu'entre ce qu'ils disent et la réalité, il y a quand même un ouais. sacré ouf. Hein. D'accord. Voilà. Et puis je m'appelle pas encore justement Lucchini ou je sais pas quel réalisateur français on pourrait citer pour parler des gens qui sont bankable, mais le jour où ça arrivera, je pense qu'ils se bougeront le cul quand même un peu plus vite. Ok, ça marche. Donc j'ai l'impression que quand je t'entends quand même, t'as une confiance en toi, t'es vraiment motivé, t'as une ambition perso au niveau du cinéma. Et moi, ouais. j'ai posé la question, mais dans quel style, dans quel objectif, c'est quoi ton truc, pourquoi le cinéma? Qu'est-ce que tu as envie de produire en fait? Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer? Bah alors pourquoi le cinéma? Je peux te sortir la petite anecdote. C'est simple, quand j'étais petit, je voulais devenir soit cowboy, soit acteur. Donc cowboy, on a mis ça de côté assez vite. Il n'y a pas beaucoup de vaches à attraper dans mon quartier Aix-en-Provence. Donc je suis tourné vers la comédie très vite. Je suis devenu acteur de la rue, hein, un mec qui fait le con toute la journée. Et j'étais plutôt pas mal, hein, plutôt assez marrant aussi, ça s'entend pas comme ça, mais je suis très... très très drôle. Et tu vas t'entendre avec Ismail, je pense. Et du Ismail qui est notre comique du groupe. Ouais. Ah, vous avez un comique? Oui, un humoriste. Ah oui, j'avais bien remarqué qu'il n'y en avait pas pour l'instant. Oh, petit ping-pong, là, j'aime beaucoup. Non. On enchaîne, Nicolas. Il y a de l'aide là pour moi. Alors, on enchaîne, alors ensuite, je voulais juste être acteur et j'étais fou de cinéma. Et puis à un moment, j'ai compris que dans les films, c'est pas l'acteur qui dirige, c'est un autre gars qu'on voit pas, qui est dans l'ombre. Donc du coup, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ok. Voilà, c'est simple. Et pourquoi réel et pas peut-être dans la technique autre? Peut-être que tu travailles aussi là-dedans. Quand tu... Ah oui, moi je bosse pour gagner des sous parce qu'il faut quand même payer le loyer. Je bosse comme chef-op, comme cadreur, comme assistant cam, comme assistant réal. Petite, grande production Petite production, la plupart des amis ou des prods que je trouve par des annonces, des gens qui se démerdent un peu comme moi avec des petits bouts de ficelle. Et à partir de quel moment c'était le cinéma? Tu m'as dit que tout d'un coup t'es devenu un fou de cinéma, mais qu'est-ce qui t'a... Je sais pas, il y a un film ou il y a un moment, un événement, je sais pas, putain, le mec, ça devient mon psy, il faut que je te paye au bout d'une... je coûte très cher. Ouais, tu coûteras peut-être plus dans que, le 16e, mon, ça coûte que mon cher. Vrai psy. Du coup, je sais pas trop. Moi, je pense que le truc qui m'a vraiment convaincu qu'il fallait que je fasse des films, c'était Matrix 2. Ah, cool. Voilà, ça fait un peu bizarre aujourd'hui de parler de ça, parce qu'on a complètement oublié le deuxième et le troisième. Mais le deuxième m'a vraiment retourné le cerveau. Je me suis dit, ah ouais, on peut dire plein de trucs dans un film en fait. Mmh. Et on peut donner cette impression quand on sort d'une salle de ciné qu'on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment ce qui m'est resté comme sentiment. Moi, j'aime les films où tu sors de la salle et tu te dis, qu'est-ce que j'ai vu, quoi. Voilà. T'aimes les claques dans la gueule, quoi, comme on dit. Ouais, moi j'aime pas trop l'idée du cinéma un peu commercial et moderne où on est assis confortablement dans son siège. Où on attend en fait que ça se passe comme prévu, et à la fin ça se passe comme prévu, et on sort, on dit c'était sympa. T'aimes pas le divertissement? Moi, ça me gonfle. Ben, ça dépend, le divertissement qui est pris pour du divertissement pur, oui. Moi je suis un fou de films d'arts martiaux par exemple, je peux en regarder à l'appel, mais je considère pas que c'est du cinéma, quoi. C'est du... Jackie Chan dans le Bronx, les cascades, casser tous les os du corps, c'est pas du cinéma? Pour parler de casser les os du corps, je vais plus citer Hong Bak que non, mais la réalité de Jackie Chan en tant qu'ascadeur, en tant qu'artiste du cinéma. Ah oui, non, mais je veux bien croire que le mec est dévoué et qu'il croit absolument à ce qu'il fait. Après, oui, il y en a beaucoup. Mais pour moi, c'est de l'artisanat. Ça, enfin, ça en termes de réal, t'as des trucs que tu verras jamais à Hollywood, hein. Surtout en termes de réal, de chorégraphie, etc. C'est du jamais vu. Hein. Donc, c'est un peu bizarre ce que tu dis. Quand t'aimes le cinéma, t'aimes la bonne réal, t'aimes quand c'est fait, quand c'est à la seconde près, au plan près. Et quand tu regardes un film de Jackie Chan, c'est ce que t'as. Mais là, pour le coup, on est obligé de recentrer un petit peu la question de qu'est-ce que le cinéma. Moi, je suis là, ouais. je vous préviens à l'avance, je suis un gros casse-couille, moi. Donc, d'ailleurs, t'aimes bien Matrix Reloaded, ouais. C'est les arts martiaux et c'est Yuen Woo-ping qui fait la chorégraphie. Ouais. C'est du cinéma d'arts martiaux, en fait. Mais comme un type qui était initié à rien quand j'étais jeune, ouais. C'est ce film-là qui m'a fait rentrer dans plein de trucs, et entre autres dans les films d'arts martiaux, et dans les fois en Chine, etc. Enfin, ouais. des références qui, pour les cinéphiles, mais que je ne considère pas réellement comme des films avec des intentions artistiques, pour moi. C'est des films qui sont... Je me répète, c'est de l'artisanat. C'est très important, ça peut porter un message culturel ou philosophique, mais quand tu me parles de réel... Donc tu t'intéresses pas à la technique, en fait. Ah si, bien sûr que si. Bah alors c'est de la technique, donc ça devrait t'intéresser. Bah ça m'intéresse, mais comment te dire... Moi je pense que ce qu'il veut dire, c'est que dans sa conception du cinéma, c'est pas la même que la vôtre, entre guillemets. Ouais, oui, non, mais d'accord, on a compris, mais si t'apprécies la technique, ouais. C'est le genre de truc où en termes je le redis, en termes de mise en scène, de combat, t'as des trucs que tu verras jamais ailleurs. Ouais, c'est vrai que les films d'arts martiaux, quand même, c'est quand même des chorégraphies, c'est quand même du boulot à filmer, c'est pas toujours simple et... Mais moi je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est nul non plus, je dis juste pour moi ça arrive pas à l'échelle d'une réalisation ou un plan a une intention scénaristique ou philosophique et qu'on va pas trouver dans un plan qui sert à montrer à quel point le gars met une bonne droite à un autre quoi. Pourtant ça peut être un super plan. Et je te dis, moi mes premiers films références c'était les Matrix où c'est quasiment que ça quoi, c'est des courses poursuites, c'est des combats complètement impossibles, c'est des gens qui sautent à travers une rue dans le vide, voilà, ça paraît une grande intention. Bah, mais quand même, c'est philosophique, la matrice, tout ça. Justement, mais là pour le coup, quand on parlait de réal, c'est pas les moments qui sont impressionnants en termes de réal dans les films, dans la trilogie Matrix, c'est pas des moments, c'est pas les moments qui vont te tourner justement vers le sens, vers le questionnement que te propose le film. C'est des moments de grand spectacle, quoi. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et quand tu me demandes si j'aime pas le divertissement, si j'aime le divertissement, ouais. Mais j'aime quand il est à sa place, quoi. Je vois un match de foot, c'est pas parce que c'est super bien filmé que je vais dire que c'est de l'art. Ouais. Okay. Moi, moi je suis arrivé pour vous dire que j'étais un casse-couille, c'est bon, je pense que j'ai mis les pieds au milieu de la table. Bien présenté, j'ai envie de dire. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que sur ce débat-là par rapport à comment on théorise le cinéma, bon après il y a plein de théoriciens qui ont plein de choses et qui vont caser des films que toi tu vas trouver peut-être très mauvais, mais au final c'est vrai que nous ici on est plus ouverts à tout et pour nous tout est cinéma, hein, vraiment tous les genres, tous les styles, même un film qui va être vraiment peut-être très très auteur et même très on va dire très même pas élevé, mais peut-être qui va être compris que par son réal, par son réal. Pour nous, quand même, c'est du cinéma parce que c'est une proposition, et tant que c'est quelque chose qui sort dans une salle et qui est projeté et qui est considéré comme un film pour le réalisateur et pour le créateur lui-même, on le considère comme ça. Après, moi je comprends, et je comprends ce que tu veux dire parce que c'est intéressant quand même de voir que, au niveau de certaines choses, on va dire dans l'artisanat, parce que c'est quand même le côté artisanat, c'est le côté les techniciens, travailler sur la lumière, travailler sur ça. Donc c'est vrai qu'on peut, parler d'artisanat, et c'est vrai que je comprends ce qu'il veut dire par rapport au combat, ou pareil, il y a un travail comme les chorégraphies de danse aussi, les comédies musicales, c'est de l'artisanat aussi, parce qu'il y a une chorégraphie. Ça peut être ramené à de la danse. Moi, je sais pas, là, moi pour moi, Tigre et Dragon, c'est de l'art. Hein. Enfin, après. Oui, mais je pense qu'il parle vraiment des séquences. C'est-à-dire que je vais lui poser la question, mais pas en Tigre et Dragon quand il n'y a pas des séquences de combat et qu'il y a des conversations. Mais même quand il y a des séquences de combat, c'est de l'art pour moi. Oui, oui, non, mais je vais lui demander. Là-dessus, je vais plutôt avoir le même avis que toi. Je pense que c'est difficile d'être initié aux arts plastiques, par exemple. C'est difficile d'être initié à la danse. C'est quelque chose de particulier. Réussir à faire la différence entre une chorégraphie et une autre. Au cinéma, c'est un peu pareil. Au cinéma, tout est visuel, donc il peut y avoir de la danse, du combat. Je sais pas, moi-même les scènes de sexe, je peux considérer que c'est de l'art par moment. Quand ça transporte quelque chose, une énergie, une émotion, quelque chose, quoi. Quand c'est joué. Mais c'est ça. Mais je pense que la question, elle revient sur le mot de l'intention. Quand tu parles des films que vous considérez comme être le cinéma et que tout est cinéma, au sens propre du terme, ouais, tous les films sont du cinéma puisque c'est des films. Après, la question, c'est que moi je me pose et qui pour le coup pose problème, c'est à quel moment on quitte l'intention artistique pour entrer dans quelque chose de 100% commercial. Et quand on est dans quelque chose de 100% commercial où déjà il n'y a plus de décideurs, quand il y a 100 personnes qui sont sur la chaîne de décision, pour moi c'est plus de l'art. parce que tu regardes le truc qui n'appartient à personne. Alors quand il y a 2 ou 5 personnes, ça peut se négocier, mais quand ils sont 100, quand on regarde, je sais pas, moi, tu regardes Transformers, à quel moment on peut dire que c'est du cinéma, quoi. Ça c'est faux déjà, parce que je pense que Michael Bay, il prend toutes les décisions sur le plateau, parce que déjà c'est lui qui produit, c'est son film. Je pense que là-dessus, tu dois te tromper. Après, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas le bon exemple, Transformers, parce que à mon avis, Michael Bay dirige tout sur son plateau. Hein. Après, il faut savoir qu'il y a énormément de films qui, à leur sortie en salle, ont été éreintés par la critique, que ce soit de la presse ou du public, parce que voilà, on jugeait qu'ils avaient aucun intérêt artistique, aucun intérêt cinéphile, et qu'avec le temps, ils ont acquéri quand même le statut de film culte. Moi, je pense à Rocky Horror Picture Show. C'est un spectacle quand même visuel. Mmh. Et la tournée, à l'époque, on disait ça, c'est pas du cinéma, ça, c'est ringard, c'est l'autre idée. Surtout le même sujet qui était polémique. Et aujourd'hui, voilà, c'est remis au goût du jour, c'est un film culte. Et il y en a plein des films comme ça. Mais ce qui est intéressant avec Nicolas, c'est qu'il met sur le devant, sur réalisateur et auteur. Parce que c'est deux choses différentes. Parce qu'aux États-Unis, le réalisateur, c'est un artisan. C'est-à-dire qu'on peut prendre un mec, pas au pif, mais dans une liste, on va dire, bah lui, il sait bien faire, on va lui donner un scénario. Et c'est un artisan, c'est il travaille pour un producteur. C'est devenu de la production, c'est pour ça. Exactement. Donc il travaille pour un producteur. En France, c'est vrai que nous, les Français, on a cette chance-là. C'est que le réalisateur est souvent l'auteur ou pas du scénario, mais en tout cas on le considère comme l'auteur du film. Non, mais bien sûr, mais c'est de moins en moins le cas aux États-Unis. Si tu prends vraiment le plus gros distributeur de films aujourd'hui, qui est Disney, et donc Marvel, aujourd'hui les Marvel, ils ont tous une touche qui vient du réalisateur et du scénariste. C'est vrai. Les films. Mais après, il y aura toujours, tu vois, des limites par les producteurs. Mais tu regardes un film comme Iron Man 3. Tu le vois tout de suite, bah que oui, c'est un Shane Black. C'est pas un n'importe quel quand les personnages sont utilisés par un autre réalisateur, notamment les crossovers avec les Avengers, les Civil War et tout, les réalisateurs de chaque franchise sont présents sur les tournages. Ils sont là, ils ont leur mot à dire sur les personnages qui sont traités. Et je pense que justement, c'est une grande liberté artistique qu'il y a. Donc les réalisateurs de grands films comme ça, j'ai envie de dire le grand film populaire au final, ils font du cinéma. Après, c'est des techniques différentes selon les pays. Même vous allez aux États-Unis, en France, en Asie, c'est 3 styles différents. Et pourtant, c'est pour tout le monde, c'est du cinéma. Alors après, effectivement, il y a des gros films, des films qui sont moins importants, des films de genre, tout ça. Tous les films ne peuvent pas être plaisants, mais je pense que tous les films ont un intérêt. Alors après, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a certains films, c'est 100% bancable, hein. Ça, on peut rien y faire. Ouais. Et malheureusement, c'est de plus en plus comme ça, mais il y a certains films qui, malheureusement, on les voit pas arriver. C'est surtout les films qu'on voit, les films bankable. Les produits commerciaux, c'est les trucs dont on parle. Parce que c'est du populaire. Après, c'est pas parce qu'on essaie de faire de l'argent dessus que derrière, on va pas quand même essayer de faire une œuvre qui a quand même un petit intérêt. Mais moi, je suis persuadé que les auteurs, les scénaristes et une grande partie des réalisateurs des films qui sont commerciaux essayent très sincèrement de faire une œuvre, de faire quelque chose qui porte un message, qui porte quelque chose d'eux-mêmes. Ça, j'en suis persuadé. Le problème, c'est quand une fois qu'ils sont rentrés dans la machine, comme ils se font broyer et comme ils se font plaquer les uns sur les autres pour au final sortir un film qui ressemble à celui qui est sorti un mois avant et à celui qui sort un mois après. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de franchises qui se cassent la gueule aussi. C'est aussi un peu pour ça. Oui, à partir du moment où tu prends un risque, Bah après, tout ça, c'est un débat intime, hein, parce que il y en a, par exemple, qui vont être très très durs et que quand c'est une merde, ils vont dire c'est pas du cinéma. Bon, il y en a aussi, ils sont dans l'extrême. Mais après, c'est intéressant, mais après, c'est intime. Chacun a son point de vue. T'es d'accord que l'art, quand même, c'est quelque chose qui on va le théoriser. C'est dans un domaine quasiment philosophique. On va vraiment l'élargir. C'est intemporel. Exactement. C'est ça, comme on dit, intime. Je veux dire, voir un film, c'est intime. Il y en a, ils vont le voir du début jusqu'à la fin. Il y en a, ils vont le voir 30 minutes. Ils vont aller pisser. Ils vont pas mettre sur pause. Ils vont revenir. Ils vont le voir jusqu'à la fin. Ils vont dire, j'ai vu le film. Pour moi, c'est pas voir un film. Mais c'est mon point de vue. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'autre. Pour lui, le cinéma est différent et je pense que chacun a une vision du cinéma et chacun a une définition même du cinéma en fait qui est totalement différente. Non, bien sûr. Et je pense qu'après il faut pas. Mais c'est intéressant quand même le côté artisanat dans le cinéma. Je pense que c'est quand même il a lancé un débat intéressant. On est obligé d'en parler en fait. Mais à partir du moment où tu parles du cinéma, c'est quand même l'art le plus populaire au monde en ce moment et c'est la raison pour laquelle on est obligé de soulever le fait qu'il y a une grande partie de la production qui est de l'artisanat forcément. Surtout c'est la puissance du cinéma parce qu'on sait que le cinéma est très puissant et qui peut, on va dire, partager des idées fortes et des idées importantes au niveau politique, au niveau social et autres. Dans CQLB5, on parlait avec Guillaume et Étienne, mon ami, qui n'est pas là, mais qui un jour passera peut-être, si tu l'autorises. Grand cinéphile au demeurant. On parlait de le job entre art et artisanat, notamment Guillaume qui produit de l'art. C'était intéressant comme ça de savoir quelle est la limite en fait entre les deux et à quel moment on en parlait historiquement étant donné que moi j'adore ça que c'est qu'à un moment il y a eu un bouleversement en fait entre l'art et l'artisanat, que entre l'utile et le trivial. Mais de toute façon, c'est un peu pas le dilemme, mais c'est le grand débat du cinéma. Et quand tu apprends à la fac cet art, ce qui arrive, c'est que on te dit tout de suite, il y a un grand débat sur est-ce que c'est une industrie, est-ce que c'est un art. En fait, c'est les deux. Et c'est une machine à deux têtes, en fait. C'est un corps à deux têtes, le cinéma. Et mais il faut assumer les deux têtes. Bon, après, toi, t'es plus dans l'extrême. Bah, dans l'extrême, pas dans l'extrême. Mais toi, pour toi, il y a une seule tête. La tête est la plus importante, c'est l'art. Donc, l'industrie, pour toi, c'est peut-être. C'est-à-dire que soit si tu fais un film qui est ton film, de A à Z, c'est ton film artistique, tu le présentes, t'en es fier. S'il fait, bah, je sais pas, s'il a vraiment, c'est pas un carton du tout et qu'il est pas populaire et qu'on va un peu l'oublier, ça peut arriver. Ouais. Pour toi, ça va rester de l'art. Et parce que t'as un peu combattu contre l'industrie, tu te dis non, moi je veux faire mon film. Et est-ce que pour toi c'est important qu'un film marche ou pas ? Mais justement, je pense que c'est un truc fondateur dans la conception du cinéma, c'est savoir le rapport au public et au succès. Et moi honnêtement, c'est pas parce qu'un film marche que je vais considérer qu'il est bon, et c'est pas parce qu'il marche pas que je vais considérer qu'il est mauvais. Ah, on est totalement d'accord. Bah, je trouve que la question est. Non, mais est-ce que pour toi c'est important ? Elle se pose c'est même plutôt pas. Ça, c'est pas bon. Est-ce que c'est important Je sais pas, moi. Est-ce que c'est important que ta meuf. En tant que réel, je veux dire. Que ta meuf, elle te dise que t'es beau, on s'en fout, en fait. Je sais pas, il y a un côté. Si elle te le dit pas, tu peux te poser des questions. Si elle te le dit pas, t'es un peu triste parce que tu te dis merde. C'est quand même une question d'ego. Quand tu es créateur, t'as forcément une question d'ego qui rentre. Mais justement, c'est pour ça que je te fais ce parallèle. La question, elle se pose pas sur l'industrie, elle se pose sur toi en tant que créateur. Est-ce que t'as besoin que tes œuvres soient appréciées pour être content de ton travail, entre guillemets ? Non, pas du tout. Tu t'auto-suffis, c'est vraiment aussi simple. C'est dur, ça. Non, j'ai pas eu de. Honnêtement, en fait, mais tu te remets en question ou pas ? Au-delà de tes propres critiques, ce que je veux dire. Au-delà des propres critiques que tu fais à ton travail, est-ce que tu te remets en question par rapport à ce que les gens peuvent dire de ton travail ? J'écoute toutes les critiques et j'essaye d'avoir un jugement dessus. Il y a beaucoup de critiques que j'écoute pas. Quand je les écoute, je me dis bon, ben lui, il a pas regardé mon film comme moi je regarde un film. Donc de toute façon, ça me sert à rien. Mais je pense que le regard critique le plus important, c'est celui de l'auteur, bien sûr. Je suis capable de regarder mon film et de me dire merde, là, à cette époque-là, j'ai foiré complètement cette partie, là, je me suis pas fait comprendre. Là, voilà. Enfin, je pense que c'est un débat que n'importe quel auteur doit avoir. Si tu pars du principe qu'un artiste ne doit pas aimer son œuvre, et moi, en tout cas, c'est ce que je vis, ce que je pense être vrai, qu'un artiste, tu dois aimer ton œuvre au moment où tu l'as produit, et une fois qu'elle est sortie. Forcément, t'es obligé de voir les défauts. Mais ce que je veux dire, c'est que la vision des autres est aussi hyper importante dans la création. Mais tu me parlais d'ego il y a deux minutes, c'est un peu ça. Si t'as 1000 personnes qui te disent « Putain, c'est génial ce que t'as fait, t'es content. » Tu te dis « J'ai fait plaisir à 1000 personnes. Bah, » Si on te le dit pas, tu te dis « Bah merde, j'aurais préféré que ça fasse plaisir à 1000 personnes. » Mais ça va pas changer l'intention que t'avais. Tu remets pas en question tu te dis « Ah, peut-être que j'ai loupé quelque chose. » Pour moi, c'est un lien direct avec ce dont on parlait il y a 10 minutes. C'est-à-dire, si tu te poses tout le temps la question « Comment je vais faire pour faire plaisir à 1000 personnes ?», ça fait des films commerciaux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas tort. Parce que dans le sens où il dit que qu'effectivement, s'il fait son propre film sans se préoccuper de ce que font les autres, mais qu'il fait le film selon lui ce qu'il veut, il y a un côté artistique. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est faire ton film, donc le film que tu aimes, que tu veux voir. Mais après, forcément, prendre en compte ce que les gens disent son film. Et le prendre en compte, je dis pas faire le film que les critiques auraient voulu que tu fasses sur celui d'avant, mais je te parle de celui, de au moins prendre en compte ce que les gens disent. Oui, j'essaye de. Je sais pas, moi, j'essaye du mieux que je peux d'écouter, de prendre en compte les critiques des autres, bien sûr. Voilà, puis le rapport à l'impact que ça a sur les gens. Ça, c'est vachement important quand même, parce que même si tu pars dans la création de quelque chose et que tu ne prends pas en compte ce que vont dire les autres, tu prends en compte, c'est un peu comme ça que je le vois, tu prends en compte le spectateur comme un fantôme, comme un concept. Parce que si ton film il est pas compréhensible déjà, enfin c'est un truc tout con, mais si on sait pas ce qui se passe dedans, ou si on comprend pas qui parle, ou tu vois, des trucs tout con. Non, mais bien sûr. Voilà, donc t'es obligé de concevoir une personne qui regarde ton film et d'essayer de lui envoyer l'information de manière la plus claire et possible, la claire. je sais pas, la plus lisible possible. Bien sûr, quoi. Mais ce que je voulais, en fait, je voulais juste te faire dire que c'était pas un crime de faire une œuvre qui plaît à des gens. Ah non, non, mais je pense pas ça du tout. Je te dis, moi, les films qui m'ont changé la vie, c'est Matrix, franchement. Si bah, tu peux Matrix pas... 2, il plaît pas à tout le monde. Oui, ouais, il plaît. Aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, il plaît à personne. Enfin, on parle même pas du 3, on saigne de la bouche quand on dit Matrix Révolution. Oh, moi, j'ai kiffé les 3. Ouais, le bah, tu fais partie des gens rares quand même. C'est une rappelez-vous comment il s'appelait Lambert Wilson dans le 2. Bah, moi je me souviens de son insulte, mais je me le mérovingien, son... il s'appelle. Ah, ouais. Et ça, je l'ai retenu à vie ce truc. Et ouais, non, mais c'est. D'ailleurs, on peut en parler. Je sais pas si tu es au courant, Jérémy, les Wachowski, ça y est, it's done. Ils arrêtent. Ah, c'est la retraite. Ouais. C'est fini, ouais, et ça, miskin, on est mal. On est mal parce qu'il crée des trucs de malade. Bah, c'est peut-être aussi. Alors, franchement, là, j'ai envie de dire, elle crée des trucs de malade. Elle crée toutes les deux des films. Des quand trucs même. De fou. Franchement. Oui, des, mais que des concepts de malade. Je suis désolé. Ça n'a pas fait des gros succès. À part Sense8, mais qui a marché quand Matrix, même. Matrix, ça a marché. Hein, je suis désolé. Non, non, Sense8, je parle récemment. Ça a 15 ans. Et pourtant, Cloud Atlas. Non, 15 ans. Speed Racer, Cloud Atlas. Ça n'a pas marché. Moi j'ai adoré. Même Cloud Atlas qui a coûté très cher. Cloud Atlas, on peut. Jupiter Ascending. Mais justement, c'est ce que des titres de fils de lâche. C'est ce que j'allais, ce dont j'allais parler. J'allais te dire Cloud Atlas. Franchement, on peut en parler, mais Jupiter Ascending, attends. Jupiter moi, Ascending. Moi, je suis un vieux fan des Wachowski, mais là, faut pas déconner. Tu veux que je te dise Jupiter Ascending? Pour moi, c'est quoi? C'est du pulp, 100% pulp. Des aventures spatiales qui n'ont aucun sens, une ville dans Jupiter, ça n'existe pas. Est-ce que t'as vu rien que le titre, c'est du SF pur. Sean Bean qui est un homme abeille, tu sais, des délires comme ça, rien que le titre déjà, tu vas voir le film. Et moi, je vais voir ces films, ça me fait plaisir. Dis-moi, est-ce que t'as vu l'interview de Mila Kunis où on lui fout un défi avec un piment? Ah non, j'ai pas vu. On lui met un piment dans une assiette devant la gueule et on lui dit, après la sortie du film, on lui dit soit tu bouffes le piment, soit tu nous expliques Jupiter Ascending. Elle a bouffé le piment. Non, mais après, c'est pas le cerveau le plus, c'est pas une flèche quoi. Ouais, non, mais c'est une très belle On lui a pas demandé d'expliquer les intentions, on lui a demandé d'expliquer juste l'histoire. Elle était incapable parce que l'histoire c'est. Eddie Redmayne, non, mais l'histoire elle veut rien dire, mais moi je t'ai dit c'est du pulp. C'est pas non plus si. L'histoire de John Carter, elle ne veut rien dire, elle a aucun sens, mais c'est du pulp, ça tue. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve difficile, mais en même temps, on aime bien aussi ne pas savoir tout en fait. Il y a toujours des parts de mystère, des moments où on est. Moi, on m'a dit. Ça s'appelle la liberté en fait. On m'a dit héritière, on sait pas, réincarnation à la Zelda, je sais pas quoi, d'une meuf qui vit 200 000 ans et tout. Vas-y, tiens, ma carte UGC. Direct. C'est des trucs, c'est des concepts, tu vois pas ça dans un Marvel, tu vois. Mais c'est très Moebius dans le concept. Mais j'adore. T'aimes la liberté de créer des choses totalement différentes. Non, mais tu me fais un film de SF où il n'y a pas tous les ingrédients de la SF. Mais oui, c'est intéressant. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des films, quand ils n'ont pas tous les codes et qu'ils essayent de trop psychologiquement en faire trop, ça marche pas. Moi, je pense à Blade Runner l'année dernière. Pour moi, le Blade Runner, ils ont trop cherché l'aspect psychologique et on a perdu beaucoup de choses sur la science-fiction. T'as raison qu'ils sont axés sur la piste de les réplicants qui savent s'ils s'en sont ou pas. Bah oui. Ils ont trop axé là-dessus. Mais en revanche, le film est abusé. Bah, le film était très bon, mais au niveau de l'esthétique, tout ça. Mais au niveau du scénario, ils cogitaient trop. C'est-à-dire, ils ont trop fait cogiter le personnage. Si tu regardes le premier Blade Runner, c'est pareil. Ah oui, non, mais j'ai pas dit le contraire, mais c'est un peu plus subtil, mais c'est la même chose. A posteriori du film, il y a beaucoup de gens. On perd quelque chose sur la science-fiction. On perd sur l'enquête, l'aspect enquête polar SF. D'ailleurs, c'est même pas SF, c'est cyberpunk. C'est un autre, une autre branche. C'est futuriste, quoi. C'est une branche avec aussi qui ramène ses codes et qu'on a perdu dans Blade Runner 2049, qui est du cyberpunk, mais plus trop identifiable. Ouais, mais voilà, mais là, vous prenez quelqu'un lambda qui est pas forcément fan, qui va juste pour un film de science-fiction. Moi, j'ai encore celui en tête avec Ryan Gosling. Ouais, mais ce que je veux dire, En plus, ils avaient fait un truc avec ce film. Moi, j'ai adoré. Mais le truc, c'est que c'est soit tu fais une suite, donc du coup, tu gardes l'ADN de Blade Runner, qui est un des films les plus cultes qui existent et qui est hyper compliqué. Soit tu fais un Gardien de la Galaxie dans ce cas-là. Si on prend que Ryan Gosling est vraiment le héros du deuxième. Je trouve que déjà dans le premier, ils ont beaucoup plus mis en avant le personnage d'Harrison Ford qu'ils ont mis en avant le personnage de Ryan Gosling. Je pense qu'il a eu beaucoup plus de... Si c'est le but de faire aussi un troisième, hein, parce que c'est un peu dans les projets. Ouais, c'est vrai. Un troisième épisode pour faire une saga, tout et simplement. Et puis, ce qui a bloqué, alors ça, par contre, c'est hors sujet là, de ce qu'on dit, c'est qu'aussi, ce qui a souffert Blade Runner, c'est le nombre de petits courts-métrages présentant les personnages qui sont sortis avant, et que la plupart des publics n'ont pas vu. Le personnage de Jared Leto, celui de Dave Bautista, et qu'au final, on arrive, puis on les connaît pas, parce qu'ils se sont dit, bon, bah, on a sorti les courts-métrages, allez, c'est bon, il y a une petite partie qui les connaissent, on va pas en faire plus. On s'attache pas au personnage, et voilà. Et puis, moi, je me suis pas attaché au groupe, parce que Ryan, j'ai adoré la scène où il se demande. Tu te souviens de la scène où il voit le truc de... Mais ça fait du bien de le voir dans un blockbuster, parce que pour le coup, c'est pas ça. J'ai adoré. C'est pas ça. Il est énervé, il est pas bien, on sait pas. Est-ce que c'est vraiment un blockbuster, Blade Runner 2019? Pas vraiment, non. Je tiens à dire quand même quelque chose, parce qu'on parlait, tu dis que c'est un super film, j'ai pas vu, mais je sais que c'est Denis Villeneuve, et en fait, tu parlais des pattes, on sent qu'il y a des pattes dans des films, même s'il y a une production derrière et qu'il y a des codes, machin, mais il y a toujours une patte, il y a toujours quelque chose. Je pense aux films des années 50, aux États-Unis, le code Hays, pareil, c'était le même délire. On a un code, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Bah après, les auteurs, que ce soit réalisateurs, scénaristes ou autres, ils ont tout compris qu'il fallait jouer de ça. C'est-à-dire, on met sa patte avec les obstacles. C'est les obstacles en fait te font créer aussi de nouvelles choses. De toute façon, c'est ce intéressant. Pour revenir sur Denis Villeneuve, c'est ça aussi la force, c'est que là, je pense, parce que moi, je me rappelle des autres films, les gros films aussi de Denis Villeneuve, comme Premier Contact, par exemple. C'est vraiment. On voit ça comme du Nolan, c'est-à-dire c'est du blockbuster d'auteur, on appelle ça comme ça maintenant. Ouais, t'as raison. C'est-à-dire qu'il y a. Non, mais moi, c'est pas Nolan, mais non, mais il a raison. Mais je vois dans qu'est-ce que le blockbuster au final, c'est un gros film à gros budget qui va être en beaucoup de copies. C'est ça le concept. Et qui généralement, avec une grosse star. Et voilà, avec des grosses stars et qui doit rapporter beaucoup. C'est un blockbuster. Et le premier, c'est Les Dents de la Mer, c'est le plus connu, c'est le commencement de tout. Mais je suis d'accord avec vous. Mais après, tout ce que vous avez dit, c'est intéressant. Mais pour revenir juste sur Jupiter Ascending, où tu dis on comprend rien et que personne ne peut expliquer l'histoire. Moi, alors j'avoue que j'ai complètement oublié l'histoire en tant qu'on se dise. Mais je me rappelle que quand même, j'étais totalement dedans et j'avais quand même plutôt aimé, à part peut-être la fin où c'était peut-être un peu conventionnel dans les twists scénaristiques. Mais la première heure, j'étais en kiff total. Et puis visuellement, j'étais vraiment bien. Mais ne pas comprendre, je pense à Southland Tales, qui est un film de Richard Kelly. Qui est un film qui n'est même pas sorti en France, tellement qu'il a été démonté à Cannes. Si, il est sorti. Il est en DVD, il existe. Oui, mais pas en pas au cinéma. Ah, pas au cinéma, oui. Et qui est un film, on ne comprend rien. Mais c'est ça le concept. C'est-à-dire que tu y vas et tu comprends au fur et à mesure, tu essayes de. Et en fait, ton but de spectateur, c'est ça qui est intéressant. C'est comme l'art abstrait, j'ai envie de vous dire. L'art abstrait, pour le voisin, ça veut dire autre chose. Et pour moi, ça veut dire encore autre chose. Et même dans l'art qui n'est pas abstrait, quand tu vas voir un film, des moments, on n'a pas vu le même film et on n'a pas compris la même fin. C'est quand même fabuleux, mais c'est ça le principe aussi du cinéma. Il n'y a pas longtemps, quand je devais faire ma BD, j'étais face à ça avec mon éditrice parce qu'elle voulait que j'explique. Plus que je mette plus de dialogue dans ce que je faisais, etc. Et je suis tombé sur une citation de Moebius qui parlait de ça et qui disait « Mes histoires sont pas des paquets de pâtes. Il n'y a pas de recette dessus, en fait. Faut que les gens s'investissent, en fait. » Je pense qu'aussi, il y a aussi de ça dans les films, dans le genre de film, c'est qu'il faut s'investir, il faut donner une chance au film et se dire que peut-être que tu vas pas comprendre la même chose que le voisin, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est faux. Je suis désolé, hein, je suis vraiment le gros casse-cou de l'histoire. Je peux pas te laisser dire ça. Je pense que ce que tu dis est totalement vrai, ça s'applique en rien à Jupiter Ascending. Jupiter Ascending, c'est un film de science-fiction. Alors tu peux lui donner le nom que tu veux. C'était quoi que tu disais tout à l'heure? Je sais pas. Tu lis une nouvelle de Moebius. C'est exactement la même chose. Edgar Rice Burroughs, c'est du Jupiter Ascending en feuille. En feuille A4. En fait, tu vois, c'est comme un peu le but de après, plonger dans un monde qui te paraît normal. Excuse-moi, c'est ma première quand je dis un truc à trois personnes qui se tournent vers moi. C'est magnifique. Non, mais c'est parce que c'est pas ce que tu dis. Après, je m'adresse à tout le monde. Quand on regarde Jupiter Ascending, le but, c'est qu'en fait, tu regardes ce film, que l'histoire commence et se termine comme si c'était le monde dans lequel tu vivais. C'est-à-dire qu'ils te font voyager dans un monde, mais ils ne veulent pas t'expliquer ce monde parce que pour eux, il veut te faire passer le film comme normal en fait, comme voilà. Et c'est toi, ça te dérange? C'est une vie qui est énorme. Ah non, moi au contraire, non, moi ça me déplaît. Alors écoute, Jupiter Ascending, je l'ai pas beaucoup aimé, franchement. Mais les films comme ceux-là, oui, c'est d'homme à homme, scénario, j'aime bien moi. Enfin, d'être humain à être humain. Enfin, j'ai mal formulé. Tu regardes 500 jours ensemble, ça fait 15 ans que t'es avec ta femme, tu lui as fait 6 gosses. Bah non. Tu regardes 500 jours ensemble alors que t'es hanté par une meuf que tu n'arrives pas à gérer. Ah bah là. Là, Moebius, les paquets de pâtes, tu vois. Donc, je suis désolé. C'est toujours comme ça. C'est toujours selon le contexte. Ça se contextualise. C'est comme je parlais dans CQLB. Excuse-moi, je fais beaucoup de pubs à ton insu. Je parlais de la contextualisation en histoire. Le fait, par exemple, de mal enseigner l'histoire aux enfants, de ne pas la contextualiser, te dire voilà, c'est passé ça à telle date. Mais alors, et avant et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux me rendre intelligible cette information? C'est pareil qu'un film. En fait, on s'intelligibilise le film nous-mêmes. ce que disait, on le prend comme on le sent, voilà. Je t'ai dit, la dernière fois, tu disais, on parlait d'indigène, moi je l'ai lu autrement que vous, c'est obligé. Mais, ouais, oui. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, au final, mais je vois pas pourquoi être contre. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord avec vous deux, pour revenir au tout début du débat, c'est que les deux, en fait, ils ont raison pour moi. D'un côté, il a raison parce que plus l'auteur a sa patte, plus l'auteur peut faire de choses, plus il a la liberté, et plus on va dire que le film va être un miroir de son âme, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, on va dire âme artistique, si tu vois ce que je veux dire, ton être, entre guillemets. De toute façon, l'auteur... Et là, d'un côté, il a raison aussi, à un moment donné, si toi t'es là et tu penses qu'à ta gueule, bah, le cinéma, c'est une industrie. Donc, La deuxième tête arrive, elle te bouffe la tronche, elle te bouffe le cul aussi, et puis ton porte-monnaie, parce que si ton film marche pas, bah, essaye d'en faire un deuxième. Et là, il arrive. Et il a raison, et je suis d'accord avec lui, c'était à un moment donné, tu fais un film aussi en pensant aux autres, mais pas en voulant faire plaisir aux autres, mais en pensant aux autres, en sachant que tu n'es pas seul sur cette terre. Voilà, c'est tout. Parfois, on fait trop d'élucubrations sur les films, sur les séries, les trucs, alors qu'en fait, les auteurs nous montrent que ce qu'ils veulent bien nous montrer. Je peux te couper, je te dis juste un truc, sinon je vais oublier. Mais pour dire que par rapport à Games, qui nous avait dit par rapport à l'auteur, mais par exemple, ça c'est un peu, je sais pas, mais c'est un peu idyllique. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et là je suis en désaccord avec Nicolas, il parle d'un homme qui fait un film. Mais qui, sur cette planète, a déjà réussi à faire un film tout seul, solo, long métrage, qui a plu, qui a plu. Bah voilà, un film vraiment réputé et important pour le cinéma, seul. Benzaï, c'est impossible. Agnès Varda. Mais c'est tu impossible. Vois, même un mec comme Kubrick, il avait plein de gens. Agnès Varda, mais oui, c'est sa marque. Il l'a trouvé. Agnès Varda, c'est sa marque. Qui ça? C'est les glaneuses. Oui. Alors, on est les glaneuses, elle a pris sa caméra, elle était dans le champ, elle a fait un film. Le film au départ, ils ont dit ouais, bah, il est pas très. C'est pas trop de technique, pas trop de qualité. Et les gens l'ont adoré. Non, alors, mais les cinéphiles, bien sûr. D'accord, mais elle avait déjà une petite réputation qui lui permettait de diffuser son film. Si jamais elle était personne, son film ne serait jamais sorti. Mais ça reste que elle est réputée pour avoir cette marque de fabrique, c'est de prendre sa petite caméra et aller filmer. Moi, alors j'en connais un autre aussi, là, celui que je voulais faire venir, Michel Rano. Alors lui, c'est vrai qu'il est beaucoup moins connu, mais c'est pareil, vous allez sur son site, vous pouvez voir un contenu de film qu'il a fait, il a juste pris sa caméra. Il y a toujours un coup de main, c'est quelqu'un qui va te donner une idée, c'est quelqu'un qui va te donner un contact. Donc ouais, il n'est jamais seul. Il fait tout. Puis de même la les autres auteurs, qu'il a, c'est eux il qui t'inspirent il a écrit le film. Et pas ça seul. Directement, si je peux me permettre, nous, moi, c'est ma conclusion, c'est un film, quand il sort, quand le bébé, il va naître. Et il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'on dit c'est le film 2. En fait, on devrait dire même pas ça. C'est le film 2. C'est réalisé par les deux, mais il est de personne en fait. Et de tout le monde est de personne. C'est tout. Si le film, il sort c'est un public, film qui. C'est un être. Mais c'est un objet qui est seul. Et au final, il y a 1000 connexions donc et zéro connexion. Donc, t'es partisan de l'œuvre qui n'appartient plus à l'auteur une fois qu'elle est diffusée, c'est oui. ça Oui. Bah, je suis un peu d'accord aussi. Après, bien sûr, si on est dans la vraie société, il y a des droits d'image. Ça me faisait chier quand, par exemple, j'aimais bien un truc qu'un auteur n'aimait pas lui-même. Oui, c'est vrai. Je me dis, bah merde, pour moi, c'est. Ça te ressemble. Oui, mais c'est. Je te reconnais plus. Tu vois me... Mais t'as raison. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est intéressant quand même. Mais, bon débat, quand même. Mais oui, c'est bon débat. Là, on a levé le niveau de cette émission. Je suis très content. Non, devine non. qui y a pas. Qui nous rabaisse le niveau d'habitude. J'ai rien dit, j'ai pas dit de nom. Il en manque deux, je peux faire. Pas dit de voilà, nom. Bravo. Non, sinon, il y a des gens en plus aussi, il faut les prendre en compte. C'est vrai que ça fait 3 semaines, je suis pas venu. Juste une petite chose. On coupe le débat, on termine sur ça. Box Office France, qui est en tête d'après vous au cinéma? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Les Grands Bains. Le Grand Bain, ouais. Pas le jeu. Ah, mais cette semaine, qui est au top cette semaine? Grand Bain, oui, mais cette semaine. Ah, bah non, c'est Bohemian Rap. Bohemian Rap, le film sur Queen. Bohemian Rap. Ouais, 1 078 000. Il est très, très. Spectateur. Juste petite question, mais pourquoi ça marche autant? Parce que Queen, c'est quand même légendaire. Voilà, c'est légendaire. Queen déchire le film pu. Puis je trouve que pour des films comme ça, pour un biopic, je trouve qu'il y a eu énormément de pubs. Il y a eu une grosse com. Il y a juste dans pas longtemps, il y a Rocketman sur Elton John, on en entend beaucoup moins parler. Exact. Je pense qu'il y a eu vraiment un. Ouais, mais Queen, c'est quand même un groupe beaucoup plus fédérateur. Ah oui, que bah, le personnage est très. Queen aussi, est très le fait populaire que ce soit une vitrine LGBT aussi. Voilà. Et puis je pense que. Ouais, moi, personnellement. Il est intriguant et des fois il y a des côtés artistiques sur les artistes qu'on aimerait bien voir, les dessous, les choses comme ça. Le film, est-ce c'est que c'est pas un côté nostalgique encore un peu? Parce si, qu'il y a un peu si, de ça. Si, parce quand même. Que ça s'arrête au moment où machin se l'époque casse. L'époque du vrai rock crève, avec quoi. Les drogues, avec ceci, non, avec ça, le sexe. Ouais, et tout voilà. Ça. En fait, c'est un film pour les fans de Queen, mais les vieux. Pas les gens qui ont aimé Queen à partir j'ai pas des 90. Film, moi, perso, mais. Bon. Ce que j'entends, c'est un peu le commencement, quoi. C'est un peu, on explique l'origine et le comment ça a été jusqu'au succès. Ouais. Deuxième position, nous avons Le Grand Bain de Gilles Lelouch qui a fait un cumul, je dis tout de suite le cumul, 2 500 000 en 2 semaines. Les gens, c'est 2-3 semaines. à vérifier. Grâce au casting, c'est... Ou... Oui. C'est à cause de quoi? Non, parce que bouche c'est à un oreille, film... je pense. Hein. Ouais. Moi, je vois le casting est pas mal. Hein. Ça n'arrive jamais. Tout le monde se le conseille. Ah, hein. Oh, t'allais le voir. Non. Ouais, puis encore aujourd'hui, il passe. Je sais que sur certaines chaînes télévisées, il passe encore en train de faire la promotion. Donc c'est pour ça qu'on continue d'en parler. Mais on en parlera parce qu'on va en parler pour ceux qui l'ont vu. Ça va être intéressant. Pour le voir pour Akane aussi. Oui, aussi. Ça a bien marché aussi. Mais c'est un film aussi un peu restaurant, c'est-à-dire que t'as un menu. Exactement. Et tu choisis et toi tu vas pas tout voilà, tu vas pas tout manger entre guillemets, buffet, c'est un buffet, c'est un film buffet, t'as raison. Pour ce qui concerne les films français, il y a pas beaucoup de concurrence en ce moment. Non. S'il y avait le jeu. On en oh là, qui, on en a déjà parlé, je l'ai j'ai dit, c'était un peu chelou. Non, on en a déjà parlé dans cette émission, j'étais un peu en révolte sur ce film. Ensuite, troisième position, Yeti et compagnie, le dessin animé de Warner, si je me trompe pas. 1 500 000, ça a super bien marché, on l'a vu ensemble en plus avec Gauthier. C'était sympa. C'était sympa, mais qui marche autant, je sais pas. Assez conventionnel quand même dans la mécanique des films animés. C'est des films de photomaton, ça, tu sais. Des films de photomaton, c'est quoi pour ça? C'est vrai qu'ils sont affichés sur la photomaton. C'est exactement ça. Les films d'animation de photomaton. Mais t'en entends parler nulle part. Qu'on trouve pas faire une photo avec le Yeti. Genre les nains, les trucs comme ça. Sherlock Holmes, les gnomes. C'est vraiment pour un jeune public, mais vraiment un jeune public. Ensuite, quatrième position, En liberté avec Pio Marmaille et Adèle Haenel. Pas vu apparemment, c'est hilarant apparemment. Il paraît que c'est un super film. Je l'ai pas vu. Cinquième position, Le jeu qui fait un cumul d'1 141 000, ça fonctionne ce jeu. Bah, c'est une petite surprise quand même, avec Stéphane de Groot et puis toute. Parce que l'affiche, elle donnait l'air d'une comédie aussi, je pense que c'est à ça qu'il joue. Ensuite, Halloween, le reboot, c'est la suite. Faisant fi de tout le reste. C'est la deuxième fois que Halloween. C'est ça quand tu fais un sequel. Qui a un sequel, ça ne se dit pas. C'est une suite. Ce n'est pas français. Sequel, non. Oh, arrête. Sequel. C'est anglais, mais sequel, ça n'existe pas. Sequel. Non, comment tu fais? Parce que c'est quand même original. Non, mais alors, c'est pas pour l'information. C'est-à-dire que tu fais une suite d'un film, alors qu'il y a déjà une suite d'un film. Non, mais pour la petite anecdote, c'est pas la première fois qu'Halloween le font. Ils l'ont déjà fait, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait revenir Jamie Lee Curtis une fois avec un fils et tout, et ils ont boycotté toutes les suites, les 3-4 suites qui avaient été faites. En mode secte et tout, là. Ouais, d'ailleurs, je l'ai vu. À titre personnel, qui était déjà un peu mieux que la première suite qui avait été faite. Non, c'était pas Rob Zombie. C'était les remakes, Rob Zombie. Il avait fait les remakes. Il avait fait le remake. Il s'était chargé, qui était très bon aussi. Il y a le 1, 2, 3, 4, 5. Mais je crois que non, c'était remake, le 6 ou 7. C'était Halloween 6 ou 7. Donc c'était bien avant. Je crois que c'est le 7ème qui s'appelle 20 ans après. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est celui avec la secte et tout, là, machin. Non, je crois que la secte, c'est dans le 8ème. Ils ont refait l'association et ça marche encore aujourd'hui. Il faut savoir que si on prend en compte l'inflation. C'est le deuxième plus gros succès derrière l'original. Et si on ne prend pas en compte la faction, c'est le plus gros succès de la saga. Eh ben, mes aïeux. Qui s'appelait à la sortie La Nuit des Masques. Oui, t'as raison. En France. C'est vrai. Respect. Heureusement qu'ils ont changé de titre. Halloween, mais... ouais. Avec, je l'ai vu. Je l'ai vu le jour d'Halloween, comme disent les enfants. Halloween. à Bercy, pendant les vacances. C'était la pire séance de cinéma de ma vie. Parce que c'était rempli, ça se battait quasiment. Ça criait, ça prenait des photos avec le flash au bout de la 40e minute. Merci. C'était une horreur. Du coup, ça m'a fait déprécier le film grandement. En revanche, il y a John Carpenter à l'OST. Et A Real Big John. Pas Big John qui fait 2-3 tatata, 2-3 pupio. Ouais, là, vraiment, c'est lui. C'est lui. Il a fait la pub à mort. Ça fait que je pense que ça a bien marché grâce à lui aussi en partie. Parce que si on en est à son je sais pas combien tième Halloween remake mon cul. Voilà. Il n'y a pas Train 13 Nord à la BO aussi. Mais on va en reparler tout à l'heure, t'inquiète pas d'Halloween. Parce que moi on j'ai acheté un vinyle Halloween Train 13 Nord Atticus Ross. Non, en fait c'est les potes de machin. C'est la boîte de prod, c'est le label de Carpenter. On enchaîne avec les autres parce que sinon il nous faudrait 3 heures. Venom avec un cumul de 2 millions. Venom qui a fonctionné et puis on sait qu'ici que ça n'a pas trop plu. Ah bah non, moi j'ai kiffé. T'as kiffé ? Ouais, j'ai kiffé. Je te jure, je te promets. Je te promets que Tom Hardy te sauve le film. Te le sauve. Mais t'es d'accord avec tout ce qu'on avait dit ou pas? Je sais pas si t'étais là, mais. Même Michelle Williams qui a 41 ans et toutes ses dents et. Et plus encore, s'il y a aussi, je sais ce que tu penses de. Voilà. Parce que le problème, que moi j'adore, que j'aime vraiment bien. C'est quand une t'adores actrice. Une actrice, c'est une bonne. Non, mais c'est une bonne actrice, attention. Hein. Non, elle joue dans des grands films. Et là, elle est dans Venom. Donc Tom Hardy, pareil, ça m'a étonné qu'ils prennent Venom. Et vraiment, moi j'ai bien aimé le design de la bête et tout. J'ai kiffé. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt correct. Ça allait. Est-ce que vous voulez savoir San Francisco. Est-ce que vous voulez savoir ce qui n'a pas marché? Alors, nous avons Chacun pour tous, le film avec Amed Silla. je sais pas si vous ouais, savez quoi, là, pourtant, qui a fait 180 000 ce qui n'est pas génial parce que il avait fait l'ascension qui est un truc de montagne qui avait dépassé le million qui était plutôt marrant chacun pour tout j'ai vu c'est sur les mecs les mecs qui font semblant d'être handicapés voilà ok ouais. Tu l'as vu? Non, bah non, j'ai vu la bande annonce sur Instagram. Ensuite, ce qui n'a pas marché malheureusement, c'est Winnie l'ourson, Jean-Christophe et Winnie, avec Evan McGregor, le film Disney. Non. Ça a fait 348 000, et là, ça va pas décoller, ça va pas dépasser c'est les 400 000. C'est un peu tu l'as vu, je crois. Ouais, moi je l'ai vu, mais il n'y a pas de magie. Alors déjà, t'as la boule au ventre tout le film, on a l'impression qu'on va chialer toutes les deux secondes. Alors, moi je me disais, Winnie l'ourson, c'est bien, c'est joyeux. Et en fait, finalement, les personnages sont déprimants, le film il est sobre, il est sombre. Alors, c'est un peu fait exprès, c'est vrai que dans l'histoire. Non, en fait, c'est une peluche. À mon avis, je me demande si c'est pas de la motion capture. Une peluche délavée, tu sais. Je me demande si c'est pas de la motion capture. On a lavé à la machine. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement. Mais c'est pas Dixon, en fait. Et alors, pire. Sans le lol. À part le picochon qui est assez marrant, ils sont déprimants. Si je peux me permettre, il y a un souci maintenant avec les films comme ça. Il y a deux soucis. Le premier, c'est la version française, version originale. Nous, on a grandi avec la version française. Mais maintenant qu'on est adulte, souvent les gens, pas tous, mais souvent, on va voir la version originale. Ce qui fait que les voix ne sont plus les mêmes. Mmh. Et je vous jure, quand vous regardez un dessin animé avec les voix françaises et ensuite les voix américaines, c'est plus le même film. On est totalement d'accord. Ouais, c'est vraiment, on a l'impression de voir une autre œuvre. Et c'est ça le souci de ces films-là. C'est-à-dire que c'était des films pour les enfants et l'organisation est super compliquée pour les cinémas parce que tu le mets à quelle heure, tu fais comment. C'est très complexe. La plupart, je pense qu'ils font la journée, c'est en VF et le soir, c'est en VO. Je sais, mais tu vois, les gens vont dire on va attendre le DVD, tu vois. Parce qu'ils vont voir que VO, parce que souvent quand même à Paris, bon après en province c'est moins compliqué parce que c'est souvent VF. Et aussi, il a été sur les sites de téléchargement très tôt, autant qu'on se dise. Bah ça oui, joue parce qu'il est sorti cet été aux États-Unis. Ah ok. Ouais, généralement c'est aussi le but quand t'es... Ça c'est ça. Le flic de Belleville, qui a fonctionné quand même. Alors fonctionné, pas trop, parce que je pense qu'ils attendaient plus, mais 580 000, qui est pas mal. Parce que ils en ont ouais, pas. Ouais, c'est pour il y a Omar Sy, c'est pour ça. Pour moi c'est pas mal, parce que quand tu fais une promotion en France avec Omar Sy comme ça, le score non, il est pas censé... J'ai le tournis, c'est que bah oui, c'est le score est si bas, c'est que ça marche pas. Je suis allé le voir à une séance de nuit 22h30 où ça pour me donner une raison de bon, bref, je vais pas quand même à m'étaler vieux, mais je vais raconter, va rigoler. Mais Oal il sait pourquoi je... Et le film sert à rien. Le film sert à rien du tout et ouais, il y a qu'un personnage marrant dedans, c'est Biuna et voilà. Oui, dis-moi. Ah, tu dois y aller. Ouais, malheureusement les enfants, il faut que je m'en aille. On aurait dû dire merci pour ce débat quasiment philosophique, théorique sur le cinéma. Mais je suis là pour ça, je suis là pour parler de choses intéressantes et après on va parler de cul la prochaine fois si ça vous arrange. Alors il y a une autre émission pour ça, autant qu'on se dise, qui est en préparation. Ouais, c'est vrai. Avec Sofiane en capitaine, pas en capitaine non, de Léa, on a dit. Ouais, mais en je veux dire en... Le sous-lieutenant, pas là au rendez-vous de quoi tu me parles. Sur toi, pour l'émission. Oui, c'est vrai. Tu vois comment le mec me grade. Non, on te connaît. Des pots de vin. Michel Williams, Sarah Martin, on le connaît. Sarah Martin, hein. Magnifique. Nicolas, merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie, merci à vous, surtout. Merci Nicolas pour l'invitation. Et puis voilà, et puis peut-être dans deux semaines, parce que je pense que la semaine prochaine, on va avoir les nouveaux, les suivants, entre guillemets. Et puis on te recontacte. Ou pas, j'ai envie de dire, ça dépend. On va discuter un peu tous ensemble sur ça, surtout dans deux semaines, et puis on verra. Moi, je veux qu'il revienne. Mais en tout cas, merci beaucoup. Me fais pas passer pour un enfoiré. Bah, non, mais j'ai regardé. Merci beaucoup. On sérieux va discuter. Alors que le mec décide tout depuis le début. Il nous a pas dit, on amène Nico. Il a dit, il y aura un nouveau. Et voilà. Il y a pas vraiment quel dictateur. Et sans souci, mais c'est vraiment plus. Mais sans souci, merci parce que t'as apporté une touche différente. On est totalement d'accord. Un peu antipathique, mais ça va. J'étais à peu près à 10% de. Après, c'est le plus âgé. C'est le plus âgé. Donc forcément, il a un peu plus de distance avec ces choses-là. Peut-être. Que nous. Mais comment on y est. Non, mais ça va. Cons, on est des petits cons. Ça va. Attends, j'ai 30 ans. T'as quel âge, toi, sans déconner? Quel âge tu me donnes, Sofiane? Ah oui, il aime pas dire. Mais tout à l'heure, t'as dit 28 ans. Vous connaissez depuis 28 ans. J'ai 200 000 ans comme le Mila Kunis dans ton film préféré. En tout cas, si tu veux, je le regarde. On en reparle. Il est sur Netflix. Je te raconterai à quel point j'ai bien dormi devant l'écran. Vous savez quoi, on va faire une petite pause musicale pour faire cette petite sortie de Nicolas. Et puis on se rejoint vraiment. Bah, dans deux minutes, on est là. Allez. À tout de suite. Tu trouves une musique, il fait moins de 2 minutes. I'm Mais celui, c'est un bâtard avec moi, il retient même pas mon prénom. Alors, grave. Nous sommes revenus dans cette émission où les gens m'aiment. C'est ça qui est intéressant. Petit truc, donc les petites news. Donc de on fait le débrief Gauthier. Là de... Non. Ah, non, non vu qu'on va peut-être le diffuser, je ne pense pas, parce que je pense qu'il va peut-être réécouter quand même cette émission. Cher Gauthier. Mais il était gentil, hein. Il est très gentil. Il était gentil. Très gentil. Très drôle aussi. T'es con, putain. Gauthier, alors. Ouais, le plus drôle d'ici, apparemment. La première, gars. Ça concerne Ridley Scott qui prépare officiellement Gladiator 2. Donc il a changé de. Il a changé de scénariste, il a choisi Peter Biscuit. Craig pour scénariser le film. Arrête de faire des sucres, lui. Biscuit. Donc Peter Craig, il a notamment scénarisé les deux derniers Hunger Games. Okay. DreamWorks ne sera pas producteur du projet alors qu'il était sur le premier. Là, ça sera Paramount et Universal. Et donc, on suivra le personnage de Lucius, le fils de Lucia, qui était tenu par Connie Nielsen. C'était prévu depuis longtemps, ce plot. Et c'est donc là sérieux. Bah, je pense que ça, à un moment, ça m'intéresse le sujet, c'est ses suites longtemps après. Parce non, mais mine de rien, c'est surtout Ridley Scott, est-ce qu'il peut encore toucher à ses œuvres ? Faut qu'il arrête. Ah bah après, Alien, là, faut qu'il arrête. Promettait... Là, pour moi, il sort juste sur la vague du on fait des suites aux originaux. Il y a que ça comme explication. Est-ce qu'on est sûr que c'est Ridley Scott qui le réalise ? Parce que si ah oui, produit, oui, bah, Ridley Scott, il le sort pas à quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut passer, faut voir le. Bah, rappelle-toi le Alien Covenant, c'est vrai. Très bonne réal. Mais après, il y a des films qui marchent. Halloween en est la preuve. Il y a des films originales qui marchent. Mamma Mia, là, cet été, ça a marché. Non, mais bien sûr, mais Halloween, c'est pour raconter l'histoire. Attendez, pas regardes pour tout l'or du monde ou tout l'argent du monde, je sais plus comment il s'appelle. Oh, c'était bien réalisé. C'était un scénario basique. Sa direction d'acteur, elle est inexistante. Tu vois que Romain Duris, il est complètement en roue libre. Après, peut-être qu'il essaie de faire remarcher quelque chose. Je sais pas. Après. Mais bon, Exodus, c'est magnifique. Non, mais il y a c'est deux un trucs. Grand film. Exodus, j'ai adoré. J'ai adoré. Avec Christian Bale. Mais oui, bien sûr. Et comment il s'appelle, Edgerton. Joel Edgerton. Rappelle-toi qui y avait dans Gladiator et maintenant. Projette-toi sur ce qu'il n'y aura pas dans Gladiator. Mais oui, Joaquin Phoenix et Russell Crowe. C'est vrai que c'est connu quand même, ce film est connu grâce à lui parce que c'était le méchant et que dans les films, on préfère bien sûr le méchant, que ce soit par exemple dans Dark Knight avec Heath Ledger. Là, par exemple, Joaquin Phoenix, il y a plein de films comme ça. De toute façon, il n'y aura ni l'un ni l'autre. De toute façon, ensuite, il n'y aura ni l'un ni l'autre. Rien du tout. Il n'y a ni Russell Crowe. Moi, je sens en fantôme, tu sais. Je sens le 302. Peut-être un caméo, mais. Rappelez-vous 302. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. 300 est un chef-d'œuvre. Les seins d'Eva Green. Ouais, c'est vrai. Les tétons d'Eva Green. Avec Particular After Effects pour faire la neige. Attends, je sais pas si c'est tel blanc en ce moment au cinéma, ça marche beaucoup. Le preset de base. Ils avaient fait le remake de Peignure, pareil, ça n'avait pas du tout marché. Je suis d'accord avec les deux zigotos, là, les tic et tac. Et... Non, je vous manque pas de respect. Je suis d'accord avec les deux. C'est vrai qu'il y a une mode de prendre des films anciens et de faire des sagas. Et j'ai envie de dire, comme Guillaume, mais pourquoi ? Laissez les films tranquilles. Quoi. Mais c'est parce qu'en fait, il y en a qui marchent comme ça. Je suis d'accord. Alors, il y en a. C'est les années 300. En fait, c'est les années 300. Ça n'a pas marché. Blade Runner, Box Office, il a marché, on va dire. Après, il y en a qui n'ont pas aimé. Mais Halloween, il marche. Mamia, il marche. C'est des films qui sont très différents. Pas tout le temps. Mais est-ce que c'est bien ? Halloween, c'était nul. Bah, Halloween, lui, on aime parce qu'on aime le film et le film est truffé de clin d'œil. C'est pour ça qu'on kiffe. Moi, personnellement, j'ai kiffé le film parce que c'est la saga que j'aime. Tu l'as vu dans les bonnes conditions et tout ? Ah oui, peu de gens. Mais c'est comme. Ouais, putain, ouais, la chance. Moi, c'était à Disney, donc à Disney, il y a jamais de problème. Ah ouais, putain, ouais. Mais. T'es bien. Honnêtement, voilà, même s'ils sont pas bien, ça donne de la nostalgie. C'est pour ça que les gens ils vont voir. Mamma Mia, je suis sûr qu'il y en a qui c'était de la nostalgie. Moi, Halloween, c'était de la nostalgie. Je pense qu'on dit ça parce qu'on n'est pas non plus des super fans de Gladiator. Même si on aime le film, on n'est pas des. Je suis un ultra fan. T'es un ultra fan. Je pense. Moi, je pense que j'adore la période romaine. Savoir qu'il y en a un de même s'il est mauvais, tu t'en fous, tu l'oublies. Attends, gros, on parle de péplum là. Oui, non, Gladiator. Mais le problème, c'est que si ça se trouve, Ridley Scott ne le fait pas, ce sera peut-être bien. Ah si, non, bah non. Si le lâche bah à Denis Villeneuve, ce serait bien. Eh, 300, voilà. Mais 300. Le 2, c'était pas Zack Snyder, c'était une catastrophe. Ouais, mais c'est pas parce que regarde Blade Runner, le 2, c'était pas Ridley Scott. Mais c'est pas parce que Alien Covenant, c'est pas donné un voisin. Blade Runner, c'est pas hyper vieux. Le Blade Runner Gladiator, c'est pas hyper vieux. Donc, il y a peut-être moyen encore de refaire vivre l'univers. Moi, je pense que c'est figé parce que c'est une fresque et c'est poétique et c'est figé. C'est tu vois, mais suite de poésie. Après, je suis d'accord, il faut attendre de voir parce que j'avoue que maintenant je m'en souviens quand j'ai entendu quoi, ils vont faire une suite à Blade Runner, ils se foutent de ma gueule. j'étais pas du tout convaincu et puis au final, le film est lourd donc on sait jamais. Hein. Mais c'est Ridley Scott en fait. Moi, c'est surtout Ridley Scott que je me dis. Il faut qu'il arrête quoi. Il y a que. Non, mais je l'aime. Surtout que c'est un film. Il y a 80 balais maintenant. Surtout que c'est un film qui était impressionnant. Je suis pas pour l'âge, moi. Jérémy, c'est un film qui était impressionnant quand il est sorti. Budget, tournage. nombre d'acteurs, nombre de figurants, nombre d'acteurs révélés par ce film. C'était un tournage, mais c'était un tournage magnifique. Les costumes, etc. La musique. Toute la musique. Voilà. Et des images frappantes. L'image de la main qui passe dans le blé. Mmh. Le casque du Gaulois à la fin, là, avec le masque argenté. Mmh. Les tirs. C'est réalisé par qui, c'est réalisé par qui? C'est réalisé par Ridley lui-même. Alors, et himself. Et le 2. Ouais, non, mais le 2, il a plus le. À l'inverse, il a plus le mojo. À cette époque-là, voilà, qui était le début des années 2000, les gros films hollywoodiens, ils commençaient déjà à rentrer dans la facilité. Les trucs synthés et tout. Gladiator a quand même installé un gros plateau. Ouais. Ils ont tout construit de A à Z. Et c'est ça pour ça. Mais comme le Seigneur des Anneaux, tout était construit de la main. C'est pour ça que ça marche. Pour ça que esthétiquement, c'était de la gueule. C'est l'importance des scénaristes. C'est l'importance des scénaristes. Et quand tu me dis que c'est les scénaristes de Hunger Games, des deux derniers, parce que les autres, ils sont plutôt. C'est Peter Kay qui a autant et qui a fait aussi. Je crois que c'est une série The Tone. Je sais pas si c'est une série. Ah, c'est pas Ben Affleck. Du film Ben Affleck, de Ben Affleck. The Town. Moi, je préfère pas le mettre là-dedans parce que je le connais pas. C'est écrit comment, c'est TOWN. Ah, The Town, c'est le film. C'est un film. Ah, c'est un film de Ben Affleck. C'est un putain de film. Donc, c'est vrai que je l'ai pas vu, donc j'ai préféré pas le marquer. Bah, c'est le scénariste de ce film-là qui l'a. En même temps, c'est pas parce que tu sais, une année t'es bon, une année t'es mauvais. Oui, non, mais oui. On verra bien. Deuxième news, mon ami. Parce que si on fait. Alors, ça, très rapide. Donc, c'était un peu à prévoir. Halloween 2, donc une suite est en préparation à la demande de Blumhouse. Ils vont appeler ça comment? Non, ils vont appeler ça comment? Halloween avec un petit sous-titre. Halloween 2, mais ils vont pas l'appeler Halloween 2 parce que c'est déjà le 2. Donc, c'est Blumhouse, l'un des studios de production qui a demandé, et c'est donc Danny McBride, le scénariste, est en discussion et affirme qu'une suite va voir le jour, et que peut-être, si jamais ça continue de marcher, il y en aura plus. L'acteur Danny McBride, putain. Troisième news, mon ami. Et donc la troisième news. Alors oui, alors du coup, je l'ai dit tout à l'heure, je rajoute juste entre parenthèses, donc LeBron James, c'est un basketteur qui a une société de production. Qui va d'ailleurs remplacer Michael Jordan dans Spidgen. Et là, je suis en kiff total. Et donc, il a. Parce pour, que. Non, je t'explique pourquoi. Non, mais explique pourquoi. Vas-y, je t'écoute. Parce que moi, je suis un fan absolu des films avec l'animation mélangée au live. Mais pareil, il reprend Michael Jordan. Ouais. Non, mais alors, ça, tu parles du basketteur, c'est ça. Je le connais pas. C'est pas un acteur. Je m'en fous. Comme Michael, c'était pas un acteur. Ouais, mais Michael, c'est The Ernest. Michael Jackson l'appelait Your Ernest. Votre altitude. Ouais. Tu vois, donc c'est pas LeBron James de Cleveland, faut arrêter les conneries. On verra. Et de toute façon, les Looney Tunes, c'est passé. On a vu ça en VHS. Le projet pour LeBron James, les Harlem Globetrotters, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est Twitter Châtelet. Moi je suis curieux de voir Space Jam, ce qu'ils vont faire en mélangeant animation 2D. Parce que ça fait longtemps, parce qu'on en a pas eu. Je suis curieux de voir comment ça va. Je crois que le dernier c'était les Looney Tunes passent à l'action. Ah oui, ça va être 2D. J'espère si c'est de la 3D. Ça passe à l'action. Non, mais franchement, le dernier film que j'ai en tête de ça, c'est ça. Et puis juste un truc. Moi je pense aussi, c'est pareil. C'est aussi une nostalgie. Avec Qui veut la peau de Roger Rabbit avec Space Jam, et comme ça est rediffusé sur les télés américaines et les télés françaises, mais c'est juste bingo pour eux. Avec sa carte, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui je pense, c'est une des raisons pourquoi ils font un 2. Du coup, Manu, c'était pas du tout sur le dimanche soir. Donc, Manu, c'était donc le LeBron James, vu au succès de Halloween, rebooterait donc la saga vendredi 13. Encore? Avec LeBron dans le rôle. Est-ce qu'ils vont rebooter ou est-ce qu'ils vont faire les deux? Ça a été fait qu'une fois, non, je sais pas. Qui va jouer Jason Voorhees? De toute façon, on voit pas sa gueule. J'aimerais bien que ce soit Kane Duder, moi, qui revienne. Ouais, j'aimerais bien. De toute façon, faut un mec. Et d'ailleurs, à ce propos, je sais pas si t'as remarqué dans Halloween, au début, on voit Michael Myers sans le masque. Enfin, on voit pas sa tête, mais on voit le personnage. C'est l'ancien acteur. Ah ouais? Ouais. Qui lui est un buffle. Dans l'original, c'était la seule fois où on voyait la tête. Un méga buffle. Ah oui, oui. Le mec fait plus de 2 mètres. Ouais, dès qu'il a son masque, c'est un autre gars un peu fluet et tout. C'est chimique, miskin. Tu vois, il est tout que s'il flotte dans la combinaison de ses deux. Mais Kane Hodder serait une bonne idée parce que déjà, il est habitué à jouer ce genre de rôle. Et puis. Et puis voilà, il a joué plein de rôles. Il avait joué, je sais, dans une qui s'appelait The Butcher. Là, c'était une sorte de Vendredi 13. Okay. Et il avait joué aussi une fois Leatherface. Donc il a beaucoup, il a joué Leatherface. Gros, donc je pense que Kane Hodder qui a joué, je sais pas combien de fois, Jason. Lourd. Ça serait bien qu'il revienne. Jason, c'est Jason qui passe sporadiquement sur TCM et sur Paramount. Allez-y, franchement, ça passe très. Parce qu'on le descend trop parce que face à des gens comme Freddy ou truc qui avait eu plus de succès à l'époque, mais en fait, c'est vraiment une. Rappelle-toi Freddy contre Jason. Ouais. Tu sais que le premier kill arrive au premier plan saint. Bah regarde, pour dire que la différence elle est là, c'est que 18 kills pour Jason, un seul pour Freddy dans le film. Donc, qui perd à la fin, rappelle-toi. C'est Freddy pour moi. C'est Freddy. Et c'est Freddy qui perd. Ouais. Parce que rappelle-toi, Jason, il sort du lac avec la mèche de Freddy dans les mains. Moi, j'ai souvenir d'un film qui s'appelle Jason X, on est dans un truc de tout le monde a droit à l'erreur. Mortel. Tu l'as vu Jason en enfer? J'ai jamais vu Jason. Alors celui-là il est boucherie. Moi je vais dire c'est film là. Ouais mais tu Freddy moi plutôt. Jason en enfer ou truc comme ça, c'est vraiment fait uniquement pour les fans du personnage. Ouais, c'est pour les dingues. Les autres ne peuvent pas aimer un film comme ça. C'est comme Hellraiser, je sais pas si tu connais. Ouais. Hellraiser c'est ultime. Tu regardes le 1 2 3 et la suite c'est cadeau. C'est la grosse de. Je suis sorti en direct tout DVD il y a un ou deux ans. Il y a un reboot d'ailleurs qui est prévu de Hellraiser. Non mais il est sorti là il y a un ou deux ans. Mais c'est du direct tout DVD. Non, non, mais un vrai reboot avec Clive Barker qui revient et tout. Ah ouais, voilà, ça c'est bien ça. Les amis, t'as fini ? Non, une dernière. Allez, vas-y, on voit. Donc, Ewan McGregor sera donc le super vilain Black Mask dans le film Bird of Prey, donc de DC Comics. Mm. Il sera face à un groupe de femmes composé entre autres de Harley Quinn, Huntress ou encore Black Canary. Qui sont joués par qui ? Je pense que alors, Huntress et Black Canary ne sont pas encore apparus dans le DC Universe. Donc, si c'est le DC Universe, je pense que Marco Robbie sera Harley Quinn et pour les autres, on ne sait pas. Si, je crois qu'on sait, mais c'est pas des choses. Il n'y a pas Ruby Rose qui joue Batwoman. C'est pas des filles de série télé. Il y a Batwoman qui est jouée par Ruby Rose, j'ai vu des images. Peut-être, j'ai pas tous les noms des personnages qui apparaîtront, mais je sais que ça sera Cathy Anne qui réalisera et qui devrait sortir en février 2020. Ah oui, on a le temps. Ouais. Il y a une news qui est tombée hier, les titres des prochains Avatar. Et les dates de la date les de sortie du premier. Ah, exact. Est-ce qu'on sait que le 4 c'est terminé? Ouais, c'est fini après. Donc il a raison. James Cameron, les titres, je les ai pas en tête. C'est quoi les titres? Ah, je les ai oubliés, c'est je sais que le 2, ça correspond à la mer, ça devrait se passer, ouais, ça devrait être maritime. Sous-marin, c'est vrai qu'ils ont appuyé sur le 2. Exactement. Et on mais la mer, je crois qu'il y a sortir chaque année. C'est merde, là encore 2022, 2020 le premier. Mais en fait, ils les ont tous fait. Ils les ont tous fait d'un coup. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ils les ont tous fait d'un coup. C'est pour ça que. Ou avec deux ans d'écart, je crois. En fait, James Cameron. Ça a déjà daté en sortant. Mais James Cameron, au final, ça a peut-être pas pris trop de l'âge. Vous êtes obligé, dès qu'on dit Avatar, de traiter. Respectez James Cameron qui, en fait. Qui a fait Alien 2. À qui ça ne suffit pas d'être, d'avoir le top box-office all-time. Bah avec Titanic, sinon il prendrait pas autant de temps de faire pour faire ses films. Et d'être le seul homme non scientifique à être descendu dans la fosse des Mariannes. C'est vrai. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas fait des recherches sous-marines pour Avatar 2. C'était il y a plus de 10 ans. Avec un bathyscaphe de sa conception. Moi je suis d'accord, parce qu'il met tellement de temps à faire ses films, c'est qu'il est vraiment précis. Ça change pas que c'est Avatar, c'est de la merde. Après, ce que j'ai peur, c'est que Avatar, malheureusement, ça a été le succès. C'était vraiment un truc en 2009, ça a 10 ans. Est-ce que ça a pas un peu la 3D. Mais c'était déjà vieux en sortant, c'était déjà dépassé techniquement. Oh, t'es dur. Ouais, non, si les scènes cinématiques des jeux, ils faisaient mieux d'accord. Déjà à l'époque. Moi, je suis d'accord, tu regardais je suis pas un grand fan d'Avatar. C'était pareil. Ouais. Je suis d'accord avec toi, je suis pas un grand fan d'Avatar, mais c'était un phénomène. C'était un vrai phénomène universel. Et quoi qu'il arrive, les suites auraient marché, mais ils ont pris trop de temps. Est-ce que le phénomène n'est pas passé? 2009 Avatar. C'est 2009. C'était déjà dépassé. Est-ce qu'il y avait des trucs plus beaux? Non. Franchement, Viom, c'est pas vrai. Non, bien sûr que si. Plus beau en jeu vidéo. Mais bien sûr que si. En 2009, non. Je te promets. Okay. Quand j'ai vu le film, je sais plus les films, les jeux qui étaient sortis à l'époque, mais quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais attends, mais je te sors 15 jeux qui sont mieux faits. Mais attends, fait mais ça. Quoi en 2009 pas en temps réel, hein. Ouais, pas c'est en temps réel, non. Ah oui, si dernière news, les gens. Ah oui, toute dernière news. Et donc, alors ça a été dévoilé par un des acteurs de Bohemian Rhapsody à une avant-première. C'est Mike Myers qui a confirmé la production d'un Austin Power 4. Donc 16 ans après le dernier volet, news. Et donc il devrait se pencher sur le docteur d'enfer. Je trouvais que le dernier, la Goldmember, c'était déjà un peu penché sur le personnage, mais là il veut continuer là-dedans. Là encore rien d'officiel parce que c'est juste Mike Myers qui l'a dévoilé à l'avant-première de Bohemian Rhapsody. Et puis voilà. Donc je pense que c'est vrai, je pense que ça va être confirmé, mais Et Brie Larson qui fait du pied pour faire un film Metroid Prime. Ouais, je sais. Ouais, elle veut jouer Samus Aran. Mais que Dieu ne lui fasse pas, que la gratifie pas de ça. Pourquoi? Faut que ça reste dans le jeu vidéo, ça sert à rien. Non, ouais, ça je suis d'accord avec c'est ça. Vrai, ça, rien, ça je suis d'accord avec toi. Mais elle ferait une bonne Samus Aran. S'il devait faire un film Metroid Prime, elle ferait une bonne Samus Aran. Le Metroid le plus détesté, c'est le Metroid où justement ils ont scénarisé, ils ont fait des cinématiques, un acting, des acteurs, des voix. C'est le plus détesté. Donc ça veut dire que ça n'a rien à faire en fait dans le. Après, je trouve que de plus en plus, alors je sais pas si c'est le cinéma ou si c'est le jeu vidéo, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de similitudes en fait dans les manières de faire les jeux vidéo, de faire les films, notamment la motion capture, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a un moment, je trouve qu'ils essayent un peu de jouer aussi avec là-dessus, c'est tellement rapprochant. Moi, je prends par exemple Tintin, là, le secret de la licorne, le truc qui était sorti, pour moi, c'est des. C'est jeux vidéo. Voilà, c'est des trucs de jeux vidéo. Donc. Même Tomb Raider, c'était jeu vidéo. Hein. C'était le jeu, en fait. Ah, c'était le jeu. Il n'y avait pas de sens et tout, mais c'était pas désagréable. Tomb Raider, c'était pas désagréable. Les jeux vidéo aujourd'hui appartiennent à la pop culture et donc peuvent se faire adapter autant qu'on adapte un film, pourquoi pas, tant que c'est bien fait derrière. Rappelez-vous, il y avait Evil Rain, je me rappelle, sur PS3, là, qui était quasiment un film en fait. C'est plus un film qu'un jeu. Il y avait Beyond aussi, je crois. Beyond Two Souls. Et là, le dernier. Detroit, Become Detroit. Human. Mais il y a des acteurs qui commencent à être vraiment réputés pour être les personnages en fait de ces jeux vidéo. Et tu verras que ça va être de plus en plus populaire et que ça va être. Pourquoi pas, moi je suis pour. Les gens, est-ce que vous êtes prêts pour jouer à un jeu? Ça s'appelle le Big Fight. Et en fait, je vous explique comment ça va se passer. C'est très simple. Ah, oui. Nous allons. Tu nous l'as expliqué, pardon. Oui, c'est très simple. En fait, nous allons choisir. Bah, j'ai choisi un réalisateur et un acteur. D'accord? Oui. Donc il fait les deux. Hein. Mm. Donc chacun à son tour, vous allez dire un film dans lequel il a joué ou alors qu'il a réalisé. Oh, j'ai cru. Attends, vas-y, je me suis fait éclater par Tommy l'autre. J'ai choisi un acteur qui est aussi un réalisateur. Ok. Vous, chacun à son tour, dit un titre de film. Qu'il a joué ou qu'il a réalisé. Exactement. Okay. Quand tu n'as plus de titre à donner. Super. Je te laisse quelques secondes. On lève la même. Main, on fait comment? Non, non, c'est chacun son tour, c'est comme ça on tourne. Okay, celui qui n'a plus de titre à donner, exactement. Celui qui n'a plus de titre à donner est éliminé. Tu vois l'angoisse qui monte en moi là. Il en reste. Attends, c'est tu sais pas, c'est qui j'ai choisi. Tu sais pas qui j'ai choisi. Ça va, c'est franchement, il y a accès. Mais attends, toi, t'avais quand même choisi des trucs quand même. Oui, c'est vrai que c'était un coup de terre, genre de parler. Celui qui reste en dernier. Il doit donner encore un titre pour valider sa victoire, entre guillemets, parce que sinon c'est facile, hein, sinon c'est un peu de la chance. Et ensuite, nous avons une deuxième épreuve où c'est va être Gauthier qui va choisir un acteur. D'accord. Donc il va regarder sur son téléphone toute sa filmo. Mais il va cacher. Tu pars du principe qu'il a, il a déjà perdu? Non, non, non, non, non, non. Ah. Si c'est pas Gauthier, ce sera quelqu'un d'autre. Mais moi, je le désigne quand même. Okay. Parce que je vais pas te choisir toi, en sachant que si Sofiane est en finale, je te connais. On vous connaît quand même. Quand même. Donc le gagnant va se confronter à moi. On fera exactement la même chose, mais en ping-pong. Le premier qui n'a plus de titre, il perd. Et celui qui gagne, la semaine prochaine, il met les musiques qu'il a envie. C'est lui qui fait sa playlist, il fait tout ce qu'il veut. Il met les playlists. Pourquoi ça tu peut nous dis tout... ça alors que si pendant la semaine on te demande, quoi qu'il arrive, tu nous diras oui? C'est vrai, c'est vrai. Bah maintenant il veut plus dire oui. Maintenant. Voilà, t'as tout gâché, bravo. Merde. Comment tu t'appelles déjà toi? Je m'appelle. La violence. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Savez-vous qui j'ai choisi? Ah, la Chaba. Ok. Attention. Hein? C'est... Attention, alors pas de commentaire de c'est bien, c'est pas bien, ou alors envie de faire, mais bon. Mmh. Attention, Gauthier, je t'aime, c'est à toi. Bonne réponse. Guillaume. Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Sofiane. Didier. Oh putain. Mary Santa là. Jouer Noël. Il faut le vrai titre hein, quand même. Il faut pas le truc qui ressemble ou qui. Merry Christmas, non? Non plus. Bah, je change alors de film. Alain Chabat. Il laisse tout le temps qu'il a réalisé ou vraiment où il a joué. Joué, même un petit rôle de 2 secondes. Qu'est-ce qu'il a joué Bon, là je crois que c'est mort. Hein. Ouais, c'est mort. C'est ça, Coach, c'est mort. Ça va jouer entre vous deux, les gens. Guillaume, Sofiane. Prête-moi ta main. Santa et compagnie. Oh, bâtard, il a Guillaume. Marsupilami. C'est pas le titre. Le Marsupilami. C'est pas le titre non plus. Non, c'est pas ça. Attends, c'est change de film. Change sur les traces du Marsupilami. Non, change de film. Je te laisse une chance. Change de film. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais parce que ça ressemble à un mot près, mais là il y a plusieurs mots quand même. Dans petite... On change de type. Putain, merde, alors, mais là je suis. Putain, les mecs, alors là, attendez, mais c'est à la chambre, il a pas fait non plus. Non, mais ça va, tranquille. La cité de la peur. Putain. Bien joué. À la poursuite du Marsupilami. Ah, le bâtard. Eh ben non. Sur les traces du Marsupilami. Non. Non, je l'ai déjà dit celle-ci. Et si je le dis, est-ce que je peux revenir dans le jeu? Non. Sur la piste du Marsupilami. Non, alors change de film. Le film où il fait le son là, comment il s'appelle ce film déjà? Ah, bon, je crois que je pense à ça. Ah oui, je Sofiane, il te reste 10 secondes. 10 secondes avec Alain Chabat. 9, 8. Le film avec Charlotte Gainsbourg où il veut la bailler, putain. Non, je l'ai déjà dit, c'est prêt, ta main. 2, 1. Guillaume, tu as gagné. Ouais, bravo. Joué, mais il y avait énormément de films, alors je vais vous dire les plus connus. Il avait fait La guerre des boutons, le remake. Ah, j'ai pas vu. Je sais pas si vous vous souvenez, oui. Il avait fait Les Gamins avec Max Boublil, ça avait plutôt bien marché. Hilarious, il était hilarious. Il a joué dans un film que vous adorez, Valérian. Il était marrant. Ah oui, c'est vrai qu'il joue dans Valérian, putain. C'est ça qui est exceptionnel. Il a joué aussi, je cherche vraiment les plus connus, La Nuit au Musée 2, tiens, pour une apparition. Ah oui. Il a joué Papa. C'était un film de Maurice Barthélémy. Il a joué. Les Clés de bagnole. Bon, ça c'était avec Laurent Baffy, donc ça, il y avait tellement d'acteurs aussi. Il a joué aussi sur Chouchou avec Gad Elmaleh. C'est vrai. Oui, putain, oui, c'est vrai. Le Goût des autres d'Anne Jaoui. Ouais. Et en réalisation. Et attends, inconnu aussi, c'était Delphine 1, Yvan 0. Gazon Maudit. Ah oui, ce Gazon Maudit, mais yes. Oui, putain. Et réalité. Réalité, c'était Chimek, là, voilà, c'était celui-là que je cherchais. Et dans la Réal, le son qu'il doit trouver. Est trop dans bien. La Réal, réalité. Je descends, ah non, je descends. Okay, moi, je pense à un autre. Et dans la Réal, on a tout dit, les gens. On a perso, tout dit. Un ancien chanteur. On a tout dit. Je sais plus comment il s'appelle. Les gens, c'est lui qui choisit. Il choisit qui il veut. Il n'y a pas d'influence, il n'y a rien. Guillaume, je te jure que je ne tricherai pas. Et toi non plus, tu ne tricheras pas. Tu ne tricheras pas. Sofiane, le silence est ton ami. C'est parti. Alors, c'est un acteur français très populaire. Oh, putain, Danny Boone. Oh putain de merde. Ok. Rien à déclarer. Bienvenue chez les ch'tis. Super chondriac. Ah merde, le film où il joue. Ah putain, le dernier qu'il a sorti, les ch'tis de... Putain, t'as somme, tu crains là. Non, un truc où il joue un flic. Ah, je sais plus, non, mais là, c'est perdu. Alors, c'était Red Dingue, en fait. Red Dingue. Aussi la doublure. Non, mais il y a la Red Dingue, la ch'tis de famille, rien à déclarer, Radin, Le Plan Parfait, La Maison du Bonheur. Et y a le film impossible au français, là, FIA va la jouer au cool. Putain, mais enfoiré, il choisit le pire acteur possible. Je l'avais celui-là. C'était lequel que tu voulais donner ? C'était celui avec le volcan islandais. Avec Astérix au service de Sa Majesté. Ah ouais, putain. Ils sont partout, Bimboland. Et bien, Astérix au service. Pédale dure. Je pense pas qu'ils courent après les films de Danny Boone, franchement. Non, mais j'ai mis acteur français. Ah j'ai non, pas, toi, il y a Astérix au service de Majesté, tu l'as dit, pardon, tant pour moi. J'ai mis acteur français. Voilà, je garde notre premier. Et puis la semaine prochaine, on verra qui va. Je suis sûr, t'as dit à Gauthier de choisir un. Non, je te jure que non. Vous dites comment j'ai choisi. En fait, j'ai fait ça, acteur français. Donc vous avez eu les trois premiers, c'est Gérard Depardieu et Jean Dujardin. Et le problème, c'est qu'on les avait fait l'autre fois. Ce que je trouve triste, c'est qu'en fait, les titres français sont souvent des titres issus de locutions grammaticales. Et donc très difficiles à oublier tant on les utilise pas. Et je trouve que c'est pas vraiment des trucs mémorables. Tu vois, Red Dingue, je sais pas c'est quoi. C'est vrai que les films français, mis à part les gros cultes, on a du mal à s'en souvenir sur le long terme. Ouais, prête-moi ta main. Notamment les noms. Tu te souviens d'avoir vu tel film avec tel acteur, mais sur le nom, moi par exemple. Comme Marsupilami, on s'appelle plus que c'était sur la piste du Marsupilami. Ouais, moi c'est quand il y a dit sur les traces que j'ai tilté, j'ai vu ça. J'ai vu 2 minutes du film, j'ai coupé. On enchaîne avec une critique d'un film. Vous voulez parler de quoi ? Alors vraiment, c'est au choix. Est-ce que vous voulez parler du Grand Bain ? Est-ce que vous voulez parler de Lars von Trier ? Est-ce que vous voulez parler de Crazy Rich Asians ? On en a déjà parlé un petit peu. Jérémy, je me souviens quand il était revenu des États-Unis, des States. Ensuite, non, je sais pas. Moi, j'ai envie de parler du Grand Bain. Est-ce que je peux m'en permettre ou pas ? J'ai envie de parler du Grand Bain. Alors, je pourrais expliquer un petit peu le concept. C'est un peu comme Full Project. Là, je sais plus. Vous savez, le film anglais où ils font du striptease. Non, ils font du striptease. Full Monty. Merci. C'est un peu le même concept, un petit peu. Bon, dans la mécanique. Donc, nous avons plusieurs personnages. Benoît Poulvord, il y a Mathieu Amalric. On peut dire, c'est un film choral. C'est un film choral, exactement, avec aussi Alban Ivanov, Guillaume Canet, Félix Moati, etc. Benoît Poulvord. Leïla Bekhti. Exactement, aussi pour les personnages féminins qui sont très importants dans ce film-là. Donc nous avons une histoire où la base c'est des dépressifs. On a des dépressifs, disons des hommes qui ont des vies très difficiles, qui. On sait pas vraiment comment ils arrivent là pour les premiers. Bah ouais, puis c'est plus des hommes, justement, comme la société peut considérer les hommes aujourd'hui, en fait. C'est des gens qui n'ont plus le contrôle de leur vie, de leur couple, de. Qui ont tout perdu, autant qu'on se dise, ils sont vraiment dans. Pas perdus! Ils ont plus le contrôle. Ils sont un peu, on peut dire, des fantômes dans leur propre vie, quoi. Ils sont sur pilote automatique, quoi. Mais disons que c'est un peu ceux aussi qu'on n'accepte pas trop dans la société, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, donc, ils vont faire de la natation synchronisée masculine, qui est très méconnue. Et comme en plus, c'est pas non plus un sport vraiment très populaire, ils vont se dire, tiens, au bout d'un moment, bien sûr, je raconte pas non plus toute l'histoire, ils vont se dire, tiens, on va faire la compétition internationale et on va créer l'équipe de France, entre guillemets. Donc, ça, c'est vraiment le pitch de départ. Et les coachs, il y en a deux, c'est Leïla Bekhti et Virginie Efira. Et ça, c'est très intéressant dans le film. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Gilles Lellouche, déjà, il utilise une réalisation avec beaucoup de références à tout ce qu'il aime. Et je trouve que c'est une réalisation pour une comédie, parce que ça se dit comédie, même si ça n'est pas vraiment une. Une comédie dramatique, on peut dire. Ouais, comédie dramatique. Une réalisation avec des plans qui sont quand même très travaillés. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est pas des plans faciles, c'est pas des plans à la va-vite. C'est pas des... En plus, on n'est pas que dans des. Dans des champs contre champs, on est vraiment dans des plans avec aussi un jeu sur la lumière, sur les ombres, sur les regards, il y a beaucoup aussi sur les regards, sur la tristesse, et je trouve que c'est quand même plutôt sympa, et la réalisation m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, le jeu des acteurs, tous les acteurs, je trouve qu'ils ont, ils ont leur place. Ce qui me dérange un peu, c'est que ça a commencé avec Mathieu Amalric, que j'aime beaucoup, et je trouve que ça aurait dû continuer avec lui. C'est-à-dire que ça aurait dû être un peu le chef d'équipe, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, et c'est celui qu'on suit... Non, mais pas dans c'est pour ça qu'ils s'engueulent avec Guillaume Canet à un moment aussi. Parce qu'ils se battent pour le contrôle, entre guillemets, du groupe. Mais quand même, à un moment donné, on perd un peu ça. On ne suit pas un personnage, on suit toute une équipe. Ce qui n'est pas déplaisant. Moi, ça m'a un peu déplu. C'est un film choral, après. Ouais, mais moi, faut bien avoir un point de départ. Ouais, mais c'est un peu début. J'aurais aimé continuer à avoir le point de vue de cet homme-là, parce que je trouve que sa vie, en plus, est super intéressante pour le scénario. Et qu'en plus, Marina Foïs, plutôt, elle est vraiment plutôt bien. Il y a une relation aussi originale entre les deux. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas de faux pas au niveau du casting. Non, ça, c'est sûr. Je pense que... Et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait qu'ils auraient dû garder le focus sur Amalric. Je trouve que, justement, c'est un film choral. Et je trouve que, pour le coup, c'est plutôt bien maîtrisé et que tout, il arrive à rendre les personnages pas hyper intéressants tous, mais au moins à leur donner une consistance qui leur donne une espèce d'existence dans le groupe qui est assez intéressant. Et je trouve que vraiment, je crois que c'est son premier film. Ouais, tout seul, oui. Je trouve que c'est quand même plutôt maîtrisé. Et en plus, commencer par un film choral, c'est pas le... avec autant de stars en plus. Non, c'est... mais je pense que justement, je pense que c'était pas dur pour lui. Ouais, parce que je pense que ça ressemblait beaucoup à un délire entre potes, quoi. Voilà, c'était ses potes, c'était Guillaume Canet, c'était tous ses potes. Ouais, mais tu vois, ça donne pas les infidèles, par exemple. Les infidèles, c'est un délire entre potes, ouais. Et c'est de la merde. Et ouais, tu le sens parce que il y a pas de structure, il y a pas de. Faut que tu le revois. C'est juste des sketchs, quoi. Là, il y a un vrai fond dans le film. Oui. Et des mecs, des vieux qui se mettent à poil, Guillaume Canet à poil dans Slip. Ouais, mais bon, tu vois, c'est un peu facile aussi dans le tire-larme un peu. Ça, c'est un peu le côté un peu qui me saoule un peu avec ces styles de. Mais les persos les plus marrants, c'est Pulvoir des Philippe Catherine. Je suis désolé. Philippe Catherine, il est Philippe Catherine qui est dans tous les films en fait en ce moment, j'ai l'impression. Ouais. Mais qui est bon à chaque fois. Très bon. Très très bon. Mais c'est un film aussi de persona. Tu vois ce que je veux dire pas ? C'est que chacun joue son propre rôle. C'est vraiment. Ouais, c'est-à-dire que chaque acteur a créé vraiment une image depuis des années. Mais c'est eux-mêmes. Et on en prend fait. Les images. Mais c'est ça. C'est... Ouais, enfin, Guillaume Canet, c'est plus François Cluzet. Enfin, je le sais que je l'ai déjà dit quand on en a parlé. Mais c'est genre, au début, quand il sort de la piscine et qu'il gueule sur tout le monde, j'étais genre, mais c'est François Cluzet ? Et après, je fais, ah bah non, c'est Guillaume Canet, mais c'est la même chose. Ouais, c'est un peu l'héritage. Malheureusement, Guillaume Canet, plus tard, c'est des films un peu comme fait aujourd'hui François Cluzet qui va faire. Clairement. C'est possible. Bah, il est passionné par cet homme en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça m'a fait penser à une image de Making of de tout. Comment c'est son film américain de Guillaume Canet, je me rappelle plus le titre. Les Liens du Sang, mais version américaine. Et pareil sur Les Liens du Sang. Les Liens du Sang, ouais. Version américaine. Mmh. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tournage qui se passe mal parce qu'il comprend qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France et que c'est. Voilà, c'est... Il est pas super, et voilà, il est pas accepté, et qu'à un moment donné, il gueule, tu vois, parce qu'à un moment donné, il en peut plus. Et ça m'a fait penser à ça un peu. Donc, vraiment, ils jouent un peu leur propre rôle. C'est-à-dire, vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on joue sur leur propre image. Et comme tu disais aussi, Sofiane, avec le fait qu'on met des mecs pas à poil, mais quasiment, voilà, on monte les corps, le corps aussi non parfait, il y en a aucun qui est musclé. C'est pas des Dwayne Johnson, c'est pas des Mark Wahlberg, et on est en France, quoi. Ça fait très franchouillard, mais c'est ça qui m'a plu. Ouais, aussi. Non, mais bien sûr. On assume son corps. C'est ce que je disais au tout début, c'est que c'est vraiment des hommes qui ont cessé d'être, entre guillemets, hommes. Comme l'entend la société, des gens virils, etc. Et tu le vois avec Mathieu Amalric, avec sa confrontation et avec son beau-frère. C'est ça, c'est que tu vois, t'as l'espèce de mâle alpha à la con. Exactement. Qui en fait l'écrase en permanence, et lui c'est un peu un ras-le-bol de ces gens-là, des gens qui sont pas des mâles alpha, qui sont pas bordés de virilité, mais qui ont leur mot à dire et qui ont une famille et qui sont pas pour autant. C'est vrai qu'en France on a pas de vraies stars françaises. C'est le mec bien musclé, bien beau gosse, où on le prend parce qu'il faut aller faire la tête trouver, mais... Non, en tout cas, pas parmi les plus gros stars. Ouais. Pas parmi les plus gros stars. Mais lui-même, en fait, en France. À l'époque, il y avait Belmondo, mais à l'époque. Non, mais les acteurs aussi savent que ça marche pas en France de faire ça. Bah ouais. D'être musclé, tu vois. T'auras pas de rôle. Pour ça. Mais bien sûr. Ce qui est marrant en plus, et ça c'est bien, c'est qu'on rit pas de ça, en fait. C'est pas ce qui est drôle. C'est pas leur leader, c'est pas leur fight. Quand même, c'est une ficelle. C'est une ficelle quand même du. C'est du pas burlesque, mais. On va dire que le truc est un peu cocasse, quoi. Voilà, c'est un petit peu grotesque. Ouais, mais le grotesque de leur physique. Là, je suis d'accord. Leur gueule burinée, d'alcoolique un peu. Mais tu ris pas de ça quand même. Non. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, ça me fait rire de voir Pulvoir en slip avec le nez rouge. Je suis désolé. Ouais. Mais là où il a raison, oui, ça te fait rire, mais c'est pas l'élément comique du film. Mais c'est un message. Et là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, c'est là où t'as raison, c'est que ce qui est drôle dans le film, c'est les interactions entre les personnages. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte que c'est un film qui est bien écrit, parce que ça marche bien, quoi. Les personnages se répondent bien. Mmh. Moi, il y a un seul, vraiment, le seul bémol, c'est le personnage de Guillaume Canet, que je trouve, au final, qui a pas une réelle rédemption, alors que le mec, tu comprends un peu qu'il bat sa femme. Et au final, il n'y a pas de réelle rédemption à ce niveau-là, à part le fait que son fils regarde le truc avec sa mère. Enfin, je trouvais que tout le... Il bat pas sa femme, c'est plutôt qu'il est très violent verbalement. C'est une violence verbale, violente psychologique. Mais c'est pour ça que c'est quand même une petite différence. Mais c'est vrai qu'il y a... Mais en même temps, il n'y a pas la bien-pensance. Il n'y a aucune bien-pensance dans le film. Non, à part peut-être la fin avec Romain Dandagani. Qui sert à rien. Leila Bekti, qui est une actrice terriblement nulle. Je trouve qu'elle Qu'elle s'améliore. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais, elle peut que s'améliorer. Dans ce film-là, elle est pas peut mal, que s'améliorer. Et je trouve vraiment que cette femme n'arrive pas à créer un personnage d'elle-même. Elle n'arrive pas à trouver son style. À trouver son style. Bah, voilà. Son style, c'est le style un peu carré. Voilà. Mais c'est que ça. Et c'est chiant. Et... Bah, c'est clair que quand tu la mets face à Virginie Efira, ça fait un peu pas figure. Ouais, peut-être. C'est vrai que Virginie Efira. Ou Marina Foïs, exactement. Mais vu qu'elles n'ont pas vraiment d'interaction. Mais les deux, en fait, sont en amélioration, je trouve, Efira et Bekti, en fait. Parce qu'au départ, autant qu'on se dise, c'est pas des grandes actrices, autant qu'on se dise... Mais Efira, moi, j'adore. Moi, je suis fan d'Efira. Non, mais les rôles, même, que voilà, ils galéraient. Je la trouve stylée, elle est presque pas une giga actrice, mais elle est stylée. Encore aujourd'hui, elle fait encore des films qui ont... Elle s'améliore, elle, pour le coup, là, Virginie Efira, elle fait que s'améliorer, elle est bien. Parce que depuis le temps, elle a réussi à se faire un nom. Elle jouait, enfin, elle était présentatrice du 1945. Et même du Loft ou un truc comme Nouvelle Star. Voilà, donc passer de ça à 20 ans d'écart, c'est hilarious. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Victoria qui était vraiment pas mal. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, c'est un peu le concept aussi du film, c'est de prendre des acteurs populaires et d'auteurs, entre guillemets, si je peux dire ça. Parce que Amalric, il est plus connu pour des films d'auteurs. Et par exemple, Boulevard, c'est plus dans les comédies un peu populaires. Même si chacun, en fait, on joue un peu. Il a été connu dans l'indé. Mais le mélange, c'est ça qui est bien. C'est qu'on a l'impression que c'est un film aussi. C'est peut-être le défaut, mais en même temps, c'est la qualité. C'est un film qui essaye de toucher le plus de personnes possible aussi. C'est pas faux. Il passe partout, lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il passe partout. C'est pas. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas faire. Il est plus connu pour populaire quand même. Les randonneurs, il est plus connu pour les randonneurs. C'est plus Guillaume. Moi, je titrerais plus Guillaume Canet comme populaire que. Boulevard est plus connu pour les randonneurs que Trois Coeurs, par exemple. Il est plus connu pour... Mais c'est tellement un grand acteur. C'est tellement diversifié. Il va au-delà de la filmographie, C'est un des plus gros acteurs. Donc, il s'est tellement diversifié. Il a fait tellement de films qu'au final, que ce soit un film très populaire ou un film beaucoup plus d'auteur, il va passer. Oui, mais je veux dire, l'image qu'il représente dans la société française. Je veux dire, dans le cinéma français, ils ont plus une image de populaire que Félix Noati. Félix Noati, déjà, en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les moins connus en second rôle, en mode on va les montrer, on va les faire découvrir, parce que Moati, il n'est pas encore aussi connu que ça, comme Ivanov. Moati, c'est celui qui fait la plongée sous-marine. La plongée sous-marine. C'est le jeune. Qui fait le. Comment on appelle ça L'apnée. L'apnée, ok, ouais. Qui joue dans Gaspard va au mariage. Ah ouais. Qui est cool et ce gars, c'est un gars on y cool. va, je te conseille à 3, on y va. Regarde le Félix Moati, mais fabuleux ce film. Et Félix Moati, premier rôle dans LOL, version française. C'est vrai? Qui est un film culte pour moi. Ça, je suis pas si inaperçu ça. Qui est moins bien réalisé. Que t'es pas mal à LOL, mine de rien. Qui était une espèce de boom bis en fait. LOL? Ouais. LOL, il était pas mal, mais je me souviens du remake américain qu'ils avaient fait. Avec Miley Cyrus. Mais est-ce que t'as pas trouvé que, pour revenir sur le film Grand Bain, est-ce qu'il est pas un peu trop long? Parce que des moments, il y a des petites longueurs en mode il faut que chacun ait un quota. Les jeux de mots, bien joué. Les longueurs, natation. Merci, je t'en prie. Des petites longueurs par rapport à un quota, genre lui, il a besoin, lui, s'il a 5 minutes, on va mettre 5 minutes à lui, etc. Ça, il voulait pas gâcher, pas gâcher, en fait. Il voulait que chaque personnage ait une espèce de closure. Mais est-ce que c'est obligé, tu vois? C'est le défaut aussi du film choral, comme je dis. C'est important, c'est un film choral. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il y en aurait un qui aurait pris peut-être le... J'ai aimé revoir un Canet, un Amalric à la Platane un peu, même. Je les ai retrouvés dans un registre un peu comique malgré eux, et j'ai trouvé ça cool. Non, c'est vraiment c'est un film comique qui ne veut pas l'être. Tu vois, comme Platane est drôle et ça veut pas être, en fait. Tu veux dire que c'est un film qui essaye de se séparer de son genre, entre guillemets. Exactement, c'est ça. Ok. Je trouve ça cool, moi. Moi, c'est super, vraiment bien. Après, moi, je suis moins emballé comme toi par la réal. La réal, par contre, je trouve classique, hein, total. trop de travelling. Mais par rapport à. Je vous trouve. Non, franchement, la réelle, j'ai trouvé que c'était bien travaillé. C'est franc. On n'est pas dans une réelle, c'est pas une démonstration de son talent. C'est au contraire, c'est on accompagne les acteurs et on les filme d'une belle manière, déjà de un. Et de deux, on les filme surtout d'une manière originale pour une comédie, pour un film de ce genre-là. Je trouve la fin est plutôt bien filmée. Je trouve que le spectacle de fin est assez bien filmé. Ah bah moi, j'ai trouvé qu'il était mal filmé. Mais je trouve que dès qu'il essaye de faire des effets de style, etc., tu te dis, mais reste dans le style. Non, moi je les aimais, ces styles-là. Reste dans tes vannes un peu. Ouais, voilà. Ouais. Mais tant mieux qu'il ait pas joué dedans. Oui. C'était qu'il n'a pas voulu montrer son bidon. Hein. Non, mais je pense qu'il peut pas faire les deux en même temps. Mais il y a même douté dans le film, ça m'étonnait parce qu'il est séparé d'elle. Non, mais ils s'entendent super bien. Je crois qu'ils ont un enfant ensemble. Pour le moi j'aimerais bien être à sa place. Que je l'ai dit. Alors non, alors là où je reviens, j'ai rien contre cette fille, mais je trouve que le côté un peu démago avec Marina Foïs, avec le clash avec Mélanie Douté. Ah, je l'aime bien moi. C'était facile. C'était. Oui, non, mais c'est facile. Mais parfois, t'es obligé d'aller dans ce genre de truc. Mais t'as besoin de présenter ce genre de choses aux spectateurs, je pense. Mais moi, j'aurais aimé qu'on efface tout ce qui est un peu déjà vu. Voilà, il y a certaines choses déjà vues et ça m'a un peu dérangé. Mais je pense qu'elle a besoin du personnage de Douté pour se rendre compte que, en fait, bah, comme je dis depuis le début, que son mari, c'est un homme, en fait. Même si il est moins viril que le mec de sa sœur, bah, en fait, ça reste un homme, et c'est un homme d'autant plus vrai parce qu'il a des valeurs qui sont plus justes, qui sont plus belles. Et je pense qu'elle a besoin de ce clash pour se rendre compte de ça. C'est vrai. Moi, je pense que c'est pas nécessaire, mais c'est mon point de vue. On va finir ça pour cette critique. On parlera des autres films la semaine prochaine. Attends, un peu, juste, s'il te plaît. Mais il nous reste 10 minutes, sinon on va pas faire ton blind test. Non, mais on le fera la semaine prochaine. Ok, ça marche. Ça marche. Je voulais parler de Galveston. Je voulais le faire. Ah, bah vas-y, t'as 10 minutes. T'es pas là la semaine prochaine ? Non, mais si, mais je voulais faire ton blind test. Bon, on le fera la semaine prochaine, mon bébé. My baby. My baby. Galveston, vas-y. Alors, parce qu'en fait, pour une fois que j'ai vu un film que moi j'aime et que quelqu'un d'autre aime. Ça, j'aimerais beaucoup vas-y, en parler. Bah, et en fait, j'ai pas envie de finir l'année 2019 sans 2018 sans en 2019 ou 2018 encore. Sans parler de Ben Foster parce que c'est un grand acteur qui n'a jamais été nommé aux Oscars et pour moi c'est un crime. Galveston, il est encore jeune. Qu'est-ce qu'on a pensé? Alors pour rappel, Galveston, c'est un polar pas d'action, un drame polar. Je pense à un polar road trip, tu vois un polar peu, road trip drame, voilà, assez hardcore. Réalisé par Mélanie Laurent avec Ben Foster, Elle Fanning et Bob Bridges en presque caméo quoi. Et ça raconte l'histoire d'un gars qui a la quarantaine, qui est un peu un petit malfrat quoi, dans le sud de Louisiane, tout ça, donc humidité, Floride et tout, Everglades. Et en fait, le gars se voit proposer par son patron mafieux un dernier job ou qui tourne mal. Et lui, il se voit en fait greffé d'une jeune fille qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui va essayer de protéger et à qui il va s'attacher. Et ça part sur un road trip, en fait, sur une fuite des représailles suite à ce job flingué quoi. Mais qu'est-ce qui t'a tellement bouleversé, oui. C'est quoi ? C'est le mélange de tout c'est ça, Elle et c'est Fanning, que la sauce c'est ça marche Ben ou... Alors je t'explique, Ben Foster, c'est un gars que je veux rencontrer. Gars que j'ai envie de voir, j'ai envie de parler avec lui, il est intelligent. Ça se voit, il sait tout jouer, c'est un acteur incroyable. En une scène, dans une apparition, dans un film, en une scène, il peut te faire de ce film un chef-d'œuvre. Et là tu penses à Hostiles. Je pense à Hostiles. L.R.I. Water, c'était déjà la confirmation pour moi. Et il est resté dans les États du Sud pour jouer ces trucs de mec bourru et tout. Les épaules carrées, le mec existant. C'est vrai que physiquement, il commence à vraiment avoir l'aspect de la tête d'affiche. Quoi. Voilà, c'est vraiment le héros. Il a vraiment, il joue tellement bien. Et avoir il est, de la présence. Il est quoi. Touchant. Et il arrive à être touchant en étant un mec qu'on trouve presque dégueulasse. Et pour moi, c'est ce que j'ai retrouvé, par exemple, dans Serge Gainsbourg, qui est un gars que j'aborde dans tout ce qu'il... que je déteste, parce qu'il est dégueulasse. Moi, j'aime pas ça, son style de vie, mais j'adore ce gars. Je kiffe Serge Gainsbourg. Dès qu'il parle, je bois ses paroles. C'est pareil avec Ben Foster, je bois son acting. Elle Fanning, c'est une fille qui est tellement belle et tellement, tellement, tellement étrange que je sais même pas si je l'aime ou si je la trouve aussi dégueu. Et dans le film, elle joue une timpe, voilà, une prostituée, un peu de... une call girl à 2 francs, voilà, que t'appelles dans le téléphone à l'entrée d'un pub de motel et vas-y viens chérie et t'as une pipe à l'arrière de là du pick-up et voilà tu vois le délire. Mais c'est le problème, c'est que c'est une sorte de réalité des choses. C'est une réalité des choses. J'adorais. Ce coin des États-Unis, le sud des États-Unis, c'est l'endroit rêvé pour aller faire ce genre de choses. Quand t'as envie de partir en cavale, quand t'as envie d'être en road trip, quand t'as envie de faire du tout, du n'importe quoi et de vivre tout, tu pars en road trip là-bas. Alors que ça soit pour quelqu'un en cavale, notamment dans le film, c'est entre guillemets un peu le cas parce que c'est vraiment où le mec cherche à fuir. Mais voilà, c'est un endroit où c'est impossible. C'est un film d'acteur où vraiment les acteurs ont leur importance. Elle Fanning, mais si tu savais ce qu'elle lâche dans le film. Si tu savais, que tu me parles de Leila Bekhti, mais j'ai presque envie de gifler celui qui parle de Leila Bekhti. Tu vois Elle Fanning à un moment où elle pleure et elle parle en même temps, elle joue. Mais c'est vrai, ça existe ça. J'ai vu ça de mes yeux vus, des filles qui étaient perdues, paumées qui parlent comme ça, et un Ben Foster qui est tout aussi paumé en face, qui fait ce qu'il peut, et au final, on va se contenter de ce qu'on a. Hein. Puis en et plus, jamais prévisible le film, jamais prévisible. J'avoue que Ben Foster, il me fait un peu penser à Tim Ross, non ? Il y a un charisme de Tim Ross. Il y a aussi écrit par Mélanie Laurent aussi. Écrit, réalisé. Mais c'est adapté d'un roman, attention. Le film, adapté d'un roman. Le film est magnifique. Par contre, le mec, en fait, faut savoir qu'il souffre aussi d'une maladie et c'est l'aspect qu'il a en fait de vivre sa maladie parce que le mec finalement, on pourrait pencher le film sur un mec qui a eu un plan, qui est parti en couille, il vit avec sa petite nana là qui est un peu détraquée tout ça. Mais le gars, il y a aussi l'aspect qui vit sa maladie, qui vit peut-être ses derniers instants et ça en fait pendant tout le film, t'es là à te demander mais comment ça va se finir. Est-ce que ça va se finir bien? Est-ce que ça va mal se finir? Tu sais pas. Et puis en fait, t'es pris dans le film pendant tout le temps. Il dure un petit peu moins de 2 heures. Et t'es pris pendant tout le film. Et t'es là, tu sors de la salle, t'as pris une claque dans la tronche. C'est esthétiquement très réussi. C'est un coup, c'est très sobre. Un coup, ça revient à la lumière d'un coup. Et ça repart dans le sobre. Et c'est vraiment, ça joue avec Jérémy, tout. Esthétiquement, je te le dis. Prends-le pour argent comptant, c'est incroyable esthétiquement. Mélanie Laurent est un génie, une génie. Il y a un plan qui m'a flingué, souviens-toi, la caméra à l'arrière de la voiture qui filme le pare-brise arrière et la voiture qui tourne et tout. Et après qui rentre et on voit Galveston avec une flèche et la voiture qui tourne. Et t'as l'impression d'être avec eux, c'est incroyable. Et Elle Fanning qui est toujours belle. Et en fait, moi, j'aime pas quand il y a des meufs un peu belles, un peu jolies, un peu la peau sur les os. Voilà, je suis un peu fragile, un peu frêle. Et je suis lascive à l'arrière d'une voiture avec le vent. Elle joue bien le cadavre. C'est triste à dire, mais elle joue bien le cadavre, quoi. Elle joue vraiment bien le cadavre. C'est-à-dire que tu vois que physiquement, alors peut-être qu'il y a une préparation physique avant, mais tu vois que physiquement, elle est atteinte, tu vois. Et que ça, alors tu peux le faire par du maquillage et tout, mais s'il n'y a pas un bon jeu d'acteur derrière, ça colle pas, quoi. Qui joue une idiote. Elle Fanning, c'est une le meuf lambda. C'est détraqué, c'est consanguine. Mais elle est touchante. Touchante et le film est très beau. Il est beau, qu'est-ce qu'il est beau ce film. C'est un road trip et donc tu te doutes bien qu'on voit la voiture avancer, la caméra sur la voiture, on voit les paysages, c'est génial. On connaît pas la côte du golfe du Mexique, la côte sud américaine, tu la connais toi tu savais qu'il y avait la mer au Texas, Galveston. Tu savais qu'il y avait la mer en Louisiane, Galveston. Et on en parlait tout à l'heure, Galveston. Depuis quelques années, il y a un élan sur ces films-là. Alors on peut en citer plein. Je sais qu'ils avaient fait un trio comme Encheria, Sicario, qui est très connu, Wind River. Je sais qu'ils avaient fait aussi au Mexique Desierto. Desierto, quel film de bâtard qui marche, c'est des films, ils vont peut-être pas accueillir un public énorme. Mais tu ne peux pas rester indifférent au film. Tu peux l'aimer ou tu peux pas l'aimer, mais tu peux pas rester indifférent. Tu peux pas sortir du film, tu dis moi. C'est du cinéma, on parle de cinéma là. Et je te parle de Galveston sans même t'évoquer qu'en filigrane, il y a l'ouragan Ike. Et qu'il y a du 20 ans après, et que ça rejoue avec une actrice qui apparaît qu'une fois mais qui te touche. C'est ouf. Et une violence. T'as des scènes chocs. Ouais, voilà, les scènes chocs de violence. C'est une violence et une justesse dans la violence. C'est rare. Et tout à l'heure, je discutais avec mon pote Étienne encore et on disait, tiens, quand même, c'est vrai que aujourd'hui, on voit vraiment quand même ce qui surnage dans le paysage, dans la mer, en fait, l'océan cinématographique américain, c'est les blockbusters. Mais quand ils te font un film d'auteur avec des gens qui savent écrire comme Taylor Sheridan, pour moi, ces films-là, c'est les plus crédibles. C'est-à-dire, c'est la meilleure vision en fait de l'Amérique, de ce qu'est vraiment l'Amérique aujourd'hui. Parce qu'on même les comédies, blockbusters, tout ça. Mais ça, c'est vraiment une vraie vision de ce que c'est. Et généralement, ça se passe généralement à une frontière. Tu vois, une frontière entre deux États, vraiment dans le sud, et là où il y a peu de gens qui vivent. Exactement. Et ce qui se passe là-bas, c'est vrai, c'est la vérité. Exactement. Et ça fait partie de ces films qui dénoncent vraiment ce qui se passe. Vous faites chier parce que j'ai envie de voir le film maintenant. Le film est incroyable. Je te le dis. Et prenez et faites attention. Je m'adresse aux auditeurs. Faites attention. Moi aussi, les Alors j'avoue, j'ai grave envie de voir. Non, mais j'avoue que la bande annonce est nulle. Bah autant que je le dise, la bande annonce. mais là, bah, tout te dis, la balance c'est pas Jules. Mais moi quand je vois une affiche comme Galveston, j'ai envie. L'affiche c'est Sud-Amérique, tu vois, c'est comme Deserto, ouais, comme Wind River. C'est vrai qu'elle est classique. Elle est classique, mais elle est jolie. Mais tu sais, c'est comme Wind River, c'est-à-dire que c'est. Wind River, l'affiche c'est rien. L'affiche elle dit rien. Que dalle. Voilà. Wind River. Mais ça te montre déjà le décor où ça se passe, et je pense que c'est suffisant pour certains. C'est ce que je disais, c'est que je m'adresse aux auditeurs et à vous, les gars, quand vous allez voir un film américain d'auteur, entre guillemets, regardez où ça se passe. Si ça se passe dans l'état du Washington, faut y aller. Si ça se passe à cheval entre l'Oklahoma et le Texas, faut y aller. À cheval entre la Louisiane et le Tennessee, il faut y aller. C'est que des. Aux États-Unis, les frontières, c'est la guerre. Dans le sud des Amériques, les frontières, exactement, c'est la guerre. Et surtout, et les États-Unis, c'est un continent. C'est là, pas. On dit les États-Unis, c'est pas. C'est à côté. Enfin, quand tu parles à des Américains, genre, ça m'arrive de parler à des amis américains, enfin une notamment, et qui me dit, bah, en fait, nous, quand on bouge en Amérique, c'est comme si on voyageait en France, de France à l'Italie, tu sais, ou de France à la Grèce. Quand tu vas à Miami, c'est. Tu vois, tu vas en Californie. Avec, hein ouais. Ça n'a rien à voir, en fait. Là, New York et tout. Oui. C'est pour ça qu'ils se comprennent même pas entre eux. C'est pour ça que chaque État a une identité, chaque État a une capitale. C'est des pays carrément. Et ça explique aussi Donald Trump. Ça explique Donald Trump, ça explique énormément de choses. Tu sais que le coin, il y a des coins qu'on appelle, notamment le coin de la Louisiane, etc. C'est les anciens États du Sud, donc sudistes, donc esclavagistes. On l'appelle la Bible Belt. Pourquoi ? Parce que c'est très puritain là-bas. Il y a la Rust Belt où se passent les Brasés de la colère, Out of the Furnace de Scott Cooper avec Christian Bale, qui est un chef-d'œuvre. On te dit au début dans le synopsis, ça se passe dans la Rust Belt. Dans L.R.A. Water, on te dit entre l'Oklahoma et le Texas, et dans Wind River, on te dit où ? Le Wisconsin. Et là, t'es c'est partout. C'est que des. C'est, voilà, c'est, on te dit c'est où est-ce partout. Que ça se passe, parce que les Américains, ils fonctionnent comme ça. Ça se passe dans le Montana, on va voir ça. Ça se. Regarde, tu regardes David Lynch. David Lynch, il te fait Twin Peaks dans l'état de Washington, il te l'a pas fait en Floride. Ça marcherait pas. Ouais. C'est dans l'état de Washington, c'est les pins. Twin Peaks, les deux voilà montagnes qu'on voit vite fait au final, et voilà, et ça se passe dans ces deux nuits dans un hôtel avec de la moquette, des meubles feutrés, comme si on voilà, comme si on était dans des espaces-temps différents. Exactement. Ah, comme quand tu vas dire ce film se passe en Italie et celui-ci se passe en Allemagne. Bien sûr. Des films qui font voyager et qui aussi qui où le paysage est acteur en fait. C'est même l'acteur principal. Bah, ça me fait penser à Inside Lewis Davis aussi des frères Coen. Il y a une certaine liberté aussi dans le décor. Voyager aussi, on découvre aussi les États-Unis différents. Mais tu vois, tu regardes True Detective saison 2, même la saison 1, mais la saison 2, tu sens que Los Angeles c'est un personnage à part entière. Bien et sûr. C'est le personnage principal. Il n'y a que les réalisateurs intelligents qui te font ça. Michael Mann, c'est LA. LA ou rien. Michael Mann, c'est LA ou rien. Il te le dit, Tarmac de LA, Lax, Beverly Hills. Il te dit Long Beach à la fin de Collateral. Tu vois, c'est des trucs qui marquent. Moi, ça me marque. Je vois, excusez-moi pour le spoil, Tom Cruise avec la balle dans le ventre qui meurt dans un métro à Long Beach. Tu vois, c'est des trucs qui marchent. Pareil, là, je parlais du tarmac de l'Axe. Tu parles des décors. Le décor est un personnage important dans la ville. Bien sûr. Et la ville, mais c'est même plus ville. C'est même pas le décor, c'est la ville. Super important. La ville, la mentalité de la ville. Quand tu te mets tout ça dans la tête, et ça, c'est un préchargement. Tu vois, comme quand tu mets une disquette à l'ancienne, tu mettais une disquette dans l'Amstrad et ça a préchargé. Bah là, c'est pareil. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Il faut que tu te précharges. Stephen King, toute son œuvre se déroule dans le Maine. L'État du Maine dans le nord-est des États-Unis. Stephen King, c'est toujours frontière avec le Canada. Tout. Il a écrit des millions de nouvelles. Tout se passe là-bas. Et pourquoi ? Parce que finalement, tu reproduis une petite ville des Amériques qui fera infiniment, peut être le cliché de toutes les villes en Amérique. C'est une petite ville en Amérique. Et c'est un peu parce qu'il se passe dans les films comme Galveston et tout. Tu auras toujours une petite ville de proximité. Là, dans Wind River, il y a le petit village sous la neige comme ça. C'est toujours petit. Et en fait, ça rend le côté un peu seul au monde, tu vois. Ou loin de tout. Oui. Et donc, du coup, ça laisse une liberté au personnage, de faire plein de choses, de vivre plein de trucs, des choses plus drôles, moins drôles, un peu plus horribles. Et puis on sait qu'il se passera des choses là-bas qu'ici, ici, ne se passera pas aussi. Ça permet aussi d'utiliser. Ça montre à la fois un attrait du réalisateur pour un certain type d'ambiance, un travail. Parce que quand tu vas écrire un truc dans le Maine, tu peux pas te dire, ils vont dans un dîner, je sais pas quoi. C'est ridicule, c'est grotesque, t'es obligé de faire des trucs qui marchent. Puis t'as plein de films que tu t'imagines pas dans d'autres villes en fait. Exactement. Et puis ça tu permet de dire qui se passe au parc à New York. Voilà, exactement, parce que Michael Fassbender, c'est un New Yorkais, typique. Branlette, il fait que ça, il va au taf et même quand sa sœur commence à chanter New York, New York, c'est un moment qui est hyper important dans le film parce que c'est ce truc qui te détruit. Carey Mulligan, je me souviens, c'était une grosse scène de ouf. Faut bien faire attention au lieu de l'action. C'est comme au théâtre, on te dit dans la didascalie initiale, lieu de l'action. Pourquoi on te le dit? Ça sert à quoi de te le dire? Bah parce que ambiance. Ça se passe dans le Péloponnèse. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure avec la contextualisation. Contextualisation. Bah, pardon, il y avait trois films, c'était le même scénariste. Donc le scénariste, il avait fait Sicario, Comancheria et puis Wind River. Ouais. Et son but à lui, au final, c'était de raconter ce qui se passait aux frontières. C'était des trucs comme ça, aux frontières. Donc pour lui, l'important, c'était de cibler la frontière. Peu importe le nom de la ville, peu importe précisément le lieu où c'est à la frontière, mais il faut que ça parle de la frontière. Desierto, c'est pareil, c'est les Mexicains qui passent la frontière. Ah, il y a un terrain, c'est ce terrain, c'est ce qu'il y a plus important. Exactement. Ça me fait penser à un film de le mec qui a fait, tu sais, le truc avec les tanks là, avec Brad Pitt, comment il s'appelle? Fury. Oui, il avait fait son premier film, un des premiers films avec Christian Bale, et c'était pareil, c'était aussi à la frontière du Mexique, je crois, si je me rappelle bien. Avec Christian Bale? Ouais, où il était crâne rasé, il faisait vraiment l'américain à moyen, mais l'américain totalement un peu raciste, même très raciste. Ah oui, comment il s'appelait ce film? Attends, totalement. Il jouait un peu le bof, mais le mec super dangereux qui peut aller taper sur un noir parce qu'il est noir ou. Christian, un mexicain qui, ça me dit rien du tout. Ouais, c'était un truc vraiment très violent. Il jouait en plus, je crois, il jouait pas un flic, je crois qu'il jouait un flic. Et je crois que c'était avant la consécration. Oui, c'était mais c'était pareil, une transformation physique et tout ça. Et oui, non, mais t'as raison, ça me fait penser à ça aussi. Ouais, faut prendre en compte ces choses-là. Bien sûr. Quand tu t'intéresses un minimum sérieusement au ciné, il faut que tu regardes où est-ce que ça se passe. Moi, ça me fait aller voir des films, Jérémy. Je te dis, bon, après il y a un tas de facteurs, mais quand on me dit que ça se passe en Alaska, je veux voir. En clair, t'es pas fan par exemple de Woody Allen qui va prendre par exemple si, Paris et tout aussi. Si, ça faisait kiffer. Ouais. Je veux voir comment Woody Allen voit Paris. Moi je veux le voir. Après c'est version carte postale, bah, comme on voit, dit, parce qu'il va vraiment l'embellir, même si par exemple quelque chose n'est pas beau, il va l'embellir. Mais c'est comme quand Nicolas Winding Refn fait Drive, c'est Los Angeles des films, c'est pas Los Angeles comme Michael Mann voit Los Angeles. Écoute-les parler dans les God Forgives et demande-leur s'ils savent comment Nicolas Winding Refn il voit Bangkok. Il la voit comme avec une musique de piste d'atterrissage en fait, bourdonnante dans l'oreille, et Ryan Gosling l'autière et sexuel et tout, laisse tomber. Et néon rouge, Bangkok. Ouais, et c'est ça, Bangkok. Hein. Moi, je te le confirme, c'est Bangkok, c'est ça. Ok. Donc, en tout cas, on sent que là, il y a une transcendance durant ce visionnage de film, en tout cas. Il y en a une à chaque connexion. Fois. Et grâce à Mélanie, merci, Mélanie. Et quand je veux voir des films comme ça, je sais que c'est génial sur ce coup-là. Elle a été vraiment très forte. Franchement, j'arrive pas à retrouver le film. Ça, c'est marrant parce qu'au final, moi, j'ai très peu entendu parler de ce film et j'ai très peu entendu parler d'elle. Alors qu'au final, on parle d'elle quand ça fait, enfin quand les gens veulent se foutre de sa gueule, mais elle fait un truc bien et personne n'en parle. Le film est ouf. T'écoutes, tu regardes. Je sais même plus si j'ai écouté. J'ai entendu quelqu'un en dire du bien. Je crois que c'est Le Masque à la Plume. Je dis ça comme ça. Prenez pas ça comme parole d'évangile, mais je crois que c'est. Je crois que c'est Le Masque à la Plume. Donc le fameux podcast sur le cinéma, le théâtre et la littérature. Sur France Inter, où ils parlent de Galveston et ils disent que c'est boucherie. Ils le disent. Alors que tu sais que eux, parfois, ils ont leur goût qui sont un peu spéciaux. C'est peut-être bizarre, mais tu dis oui, on n'en a pas beaucoup parlé, que ce soit une Française, Mélanie Laurent, qui réalise ce film. Surtout Mélanie Laurent, parce que les gens adorent se foutre de la gueule de Mélanie Laurent. Franchement, visiblement, quand elle fait des trucs bien, personne n'en parle. Moi, j'aime bien l'olé d'elle, parce que la première fois que je l'ai vue, elle disait « Ouais, je suis en train de réaliser mon porno et tout. » J'ai fait « Ok, d'accord, cacahuète. » Après, elle me fait Respire. Enfin non, elle l'a fait après, mais elle m'a surtout fait... comment ça s'appelle, bordel? Son premier film? Ouais. Comment il s'appelle? Ça, je me rappelle. Putain, je l'ai adoré, ce film. Avec Joséphine Japy et Lou Delage. Un film. Non, c'était Respire. C'est Respire? Ouais. Et l'autre, c'est quoi? Avec machin. C'est pas Le Goût des Autres, comme ça? Non. Non. Avec... C'est le goût de quelque chose, non? Avec Gilles Lelouch. Comment il s'appelle, ce film? Ah, Plongée. C'était troisième. Respire, c'est un chef-d'œuvre. Respire, c'est un chef-d'œuvre. Mais moi j'ai vu ça, j'ai fait Mélanie, pardonne-moi. J'ai mal parlé. Je suis pas aussi convaincu que toi. Respire, c'est incroyable. La scène de fin, tu vois la scène de fin? Ouais. Joséphine Japy face cam en train de halter. Ouais. Elle Fanning dans Galveston. Là, t'es dans le même level, je suis désolé. Joséphine, je t'aime. Joséphine. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, Mélanie Laurent, ce problème, c'est médiatiquement. Parce que en tant que cinéaste, c'est génial. Pourquoi. Mais médiatiquement, ça colle pas. Franchement, Mélanie Laurent, t'as pas la télé, t'as pas la radio, tu regardes ses films, t'es amoureux d'elle. Ouais, moi j'aime bien la cinéaste, mais perso. C'est un peu Nicolas qui était là juste avant. Il y a des choses intéressantes à dire, mais il se comporte comme un connard. Il les a tout dit, en fait. Tu connais ça, tu les as tout dit. Ouais, bon. Mais Mélanie, c'est pas une connasse. Enfin, non, mais, toi, mais elle est spéciale. Médiatiquement, elle est spéciale. Ouais, puis elle est un peu grande gueule à côté. Ouais, c'est vrai. Ah, dans tes écoutes, certaines de ces interviews, c'est quand même très prétentieux. C'était du même niveau. Surtout parce à qu'elle l'époque, a parce qu'elle a fait, à l'époque de la COP. Bastard. Non, non, c'est à l'époque de la COP. Elle avait fait une chanson là, Mélanie Laurent, là, ouais, pour la voilà. L'écologie. Là, je sais plus c'était quoi. Non, elle avait fait un COP film 21. Avec qui s'appelait comment c'est Changer, non, un truc comme ça. Non, mais oui, mais elle avait participé à un clip aussi avec plein d'autres artistes 20, en fait. Ah et bon. Médiatiquement, ça avait été un problème. Non, elle avait été un problème. C'est surtout ce qu'elle dit. Je crois qu'elle avait pris une chanson justement de. Ah, je sais plus c'est quoi la musique ouais, qu'elle avait repris. Il y a un petit con aussi qui a fait une compilation, ouais. Et quand tu fais une compilation, c'est facile aussi de se moquer de quelqu'un. Oui, il y a aussi de ça. Oui. Après, voilà, tant qu'elle fait le boulot au cinéma. Les gens, j'ai envie de vous dire. Galveston, allez voir. Là, exactement. Et j'ai envie de vous dire de quoi on va parler la semaine prochaine. On va essayer de parler de Satan à l'hôtel El Royal. Ouais, je l'ai vu aujourd'hui. On va essayer de parler aussi de Jérémy, je de Chacun pour tous aussi, peut-être un peu comédie française et En liberté aussi. Il y a eu quelques films qui sont sortis sur Netflix qui sont très bien. On pourra en parler. Ouais. Ouais, il y avait notamment Le Bon Apôtre et qui n'était pas un film d'horreur, ça je crois. Si, c'est un film d'horreur. Enfin, Le Bon Apôtre, quelque chose. L'affiche, elle est pas un peu. Le mec, c'est pas un peu une sorte. Il est pas dessiné en quelque sorte sur l'affiche. Genre c'est une photo de lui, mais avec un effet. Ouais, non, si je vois que c'est. Ouais, je vois ce que c'est. C'est un film de celui qui a réalisé Le Raid. Tu sais, le film indonésien. Je t'explique ma vision. Pour moi, Netflix, ils font des films de cinéma. Même si c'est comme les téléfilms. Je t'explique. Robert Rodriguez, vous connaissez Robert Rodriguez, le pote de Tarantino, qui fait des super films. Sin City. Cherche dans les Planète Terreur. C'est pas lui. C'est Zack Snyder. Non, Frank Miller et lui, ils sont deux. T'es sûr? Ah, sûr à 100%, je te mets ma main coupée. Sûr Frank à 100%. Miller, lui, normalement, il écrit. Et... Non, mais il a aidé à réaliser aussi. Parce que comme il a pas fait, premier, il a fait Boulevard de la Mort qui est boucherie. Frank Miller, qui est... Robert Rodriguez. Non, c'est Tarantino qui a fait Boulevard de la Mort. Non, c'est produit par Tarantino. Non, c'est Tarantino qui a fait Boulevard de la Mort. Non. Si. Ah ouais, vous êtes sûr? C'est pas lui. Si. Sur ma vie, c'est pas lui. Allez, c'est serré. Allez. La main est serrée, la patte. Gauthier. Gauthier, vas-y. Planète Terreur, c'est Rodriguez. Boulevard de la Mort, non, c'est Tarantino. Ça n'existe pas, c'était une diptyque dans Grindhouse. Grindhouse, c'était non. Boulevard de la Mort et Planète Terreur. Rappelle-toi bien. Ah, ça, je suis d'accord. Voilà. Donc c'était diptyque en fait, le concept c'était de voir les deux films comme à l'époque, il y avait deux films, il y avait ouais, une pause. Mais c'est Robert Rodriguez. Et les deux films. Et ouais. Ils ont mis le nom de Tarantino. Tarantino est produit. Parce qu'à la base, c'était des trailers. Ouais, Boulevard de la Mort, Grindhouse. Attends. De Tarantino, les gens. Non. Bah là, non, mais si, ils nous disent que c'est de Quentin Tarantino. C'est de Tarantino. Après, Boulevard de la Mort. Après, sur Allociné. Sur Allociné, en tout cas, ils nous disent que c'est de 42. C'est de Tarantino, c'est sûr. Attends, faut que je regarde moi-même, du coup. C'est lui qui l'a réalisé. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Après, ça, je peux pas savoir. D'accord, peut-être que c'est un peu trop. Hein, c'est pas. Parce que c'est les deux potes, en fait, qui aimaient ça, les films Greenhouse. Donc, ouais. Ils ont voulu faire un film. Après, il y a aussi les petites pubs, comme vous disiez, les petites fausses bandes annonces. Qui sont plutôt marrantes, en plus. Qui sont réalisées soit par l'un, soit par l'autre, ou peut-être par d'autres personnes, sans j'en sais pas. Mais voilà. En tout cas, si c'est pas Quentin Tarantino qui a réalisé Boulevard de la Mort, là, vous m'enlevez un truc de mon enfance. Hein. Ouais, oui. Et j'ai envie de vous dire aussi, Rodriguez, il a fait son premier film avec Salma Hayek et David Arquette, les gens, David Arquette et Salma Hayek, qui s'appelle Road Racer, qui est un téléfilm, mais c'est un putain de film que je vous conseille. Ah bon, et pour moi, c'est un film de cinéma. Donc pour il moi, sorti même, où, un Netflix téléfilm, tant qu'il est bon. Non, non, non, c'est un téléfilm dans les années 90, qui est passé juste à la télévision et pas au cinéma, et qui pour moi est un film de cinéma, donc je vous le conseille vivement. Voilà. Il y a plein de Netflix, c'est ok. Même Rappelons le film, premier hein. Ça. Exactement. Rappelez le premier ça. Qu'est-ce qui est sorti en 90? C'était oui, un téléfilm. Et puis même là, il y a Louis de Hagen qui va sortir. C'est un film de cinéma, mais c'est que sur Netflix. Il y a d'autres trucs. Ah purée, là de Annihilation. Demain, il y a un gros film qui sort que j'attends énormément. C'est quoi? Outlaw King. Bah c'est t'inquiète, tu verras. Ok. Tu verras. Bien. Je vous dis merci pour l'émission et je vous fais de gros bisous. La semaine prochaine, deux nouveaux, même trois nouveaux, pardon. Un garçon, deux filles, ok. Et Nicolas est compris dedans. Et faut que je coupe ça après, tu fais chier. Tu m'emmerdes. Parce que moi, après, je suis comme un con, je suis obligé d'écouter parce qu'il faut arriver au bon moment, soit couper après la séquence. Mais surtout, il va même pas nous écouter. Pour que ça se mette sur. Tu puisses retrouver sur la séquence. Blind test ou pas, Jérémy? De quoi maintenant là? Non, la semaine prochaine. Ah bah 100% plein de test. Du coup, moi, mon jeu, c'est un mois que je veux le faire, mon jeu. Et ben la semaine prochaine aussi, allez. Non, Léa, je t'aime. Léa, je t'aime. Je vous fais. C'est amoureux de toi depuis le début. Je vous fais de gros bisous. Merci. Ismaël revient. Ismaël revient. Et à la semaine prochaine, gros bisous. Ciao. Bisous. Ciao.